Starling, l'appel de Cthulhu. Voilà, ça y est, nous sommes là. Quelle transition. Vous avez vu ça, c'est beau, hein. On remerciera Faro pour cette transition, puisque c'est lui qui... Salut Morgane, bonsoir Morgane. Nous remercierons donc Faro pour cette transition, puisque c'est lui qui l'a fait. Voilà. Merci à toi Faro. Et bien sûr, nous ne pouvons que remercier celui sans qui ce layout et tout ce que vous voyez en ce moment ne serait pas là. C'est Maxime, l'homme qui est là en face de vous, que vous pouvez voir. Voilà. Merci à toi Maxime pour ton travail. Caméra 2. Oui, parce que il a une régie personnelle à lui tout seul et il peut avoir plusieurs angles de caméra. Ah, oh, ça serait stylé. Il est dans son camion rouge. Et évidemment, comme dit Akinamna, nous remercions tous Cthulhu pour sa participation. Voilà. Il est dans le train, mais vous ne saurez pas où il est. Bah, je sais. J'ai coincé dans les toilettes, vu qu'on n'est pas allé aux toilettes depuis le début de la campagne. Ça, on est un peu tous le cul serré. Il est indisposé. Et la vessie pleine. Voilà. Donc, mes amis, nous allons pouvoir commencer. Les instants merci du MJ. Voilà. Et vous êtes donc à Budapest. Il est 23h. Et à Budapest. Eh oui, c'est là. Il y a des boîtes de nuit et des filles. Le train est à l'arrêt pour l'instant. Il fait nuit, évidemment. Et je distribue pas l'Oscar. Pas encore. Non, juste des sucres. Et avant toute chose, c'est vrai que je viens de me rappeler, ce qui n'a aucun rapport avec les Oscars, que vous allez me lancer un petit jet de chance pour savoir si vous allez avoir la chance de gagner des points de chance. Yes! Alors, pour l'instant, George Banks et Worth, c'est bon. Et malheureusement, Barrington et Monsieur Pollat, malheureusement pour vous, ça ne passera pas. Donc lancez-moi George et Harold. Donc 5 pour Worth. Et toi, George, combien? Attends. Et oh, 8! Bravo! Donc vous gagnez donc autant de points que vous avez fait. Alors Maxime, il est en double. Je fais des tests en même temps. Alors, vous ne pouvez pas le voir parce que voilà, c'est l'envers du décor. C'est que Maxime a deux caméras littéralement sur la conférence Discord. Donc nous avons deux angles de vue de Maxime. Une caméra en haut, une caméra sous le bureau. Une caméra 1, une caméra 2 s'il vous plaît. Caméra 1. Donc... En gros, tu sais plus regarder. Si je regarde celle-là, je regarde celle d'en haut. Hein. Sauf là, que... Je veux voir si j'arrive à faire fonctionner la. Sauf que la deuxième a figé déjà, donc. Déjà, putain. Voilà. Ouais. Donc, je te conseille, Maxime, d'éviter de continuer parce que ça se trouve, ça va tout figer et là, ce sera la catastrophe. Donc, revenons à nos moutons. Il est 23h, vous êtes à Budapest, le train s'est arrêté. Monsieur ? Oui. Les jets de compétences réussies, on les fait maintenant ou pas ? Hein ? Les petits succès dans les compétences, on les fait maintenant. Non, ça c'est normalement en fin de scénario. Là, c'est... Ah non, oui, ok. Là, c'est en fait à chaque session, vous pouvez relancer. Ah, il y a un écho, je sais pas qui c'est, d'où ça vient. Pas moi. Ouais, c'est Maxime, merci. Allô ? C'est ouais, cool, en direct de la playa. Ouais, c'est bizarre, moi aussi j'entends. Ouais. Non, ça y est, c'est parti. Y a plus d'écho, y a plus d'écho. C'est bon, c'est bon. Bon, y a plus. Du coup, non, les jets de chance, c'est à chaque session, vous avez le droit de tirer un jet de chance, savoir mais si vous avez gagné des points de chance. Voilà. Oui. Mais les points de compétence, c'est à la fin d'un scénario, en fait, quand vous avez fini le scénario, en fonction de ce que vous avez réussi comme jet, vous avez le droit de tirer des jets dans cette compétence. Voilà. Mais là, malheureusement, on n'a pas fini le scénario, donc ça sera pas pour tout de suite. On finira un jour. Oui. Vous avancez. Déjà, vous êtes pas loin de Constantinople. Le voyage dure 3 nuits. Vous allez aborder la deuxième nuit. Donc, il vous restera plus qu'une nuit à faire. Et le lendemain, donc de cette troisième nuit, vous serez arrivé à Constantinople. Ok. Donc, il est 23h. Je répète encore une fois. La gare de Budapest. Vous êtes arrêté. vous avez commencé déjà un peu à discuter de votre plan d'action pour la nuit. Vous avez décidé d'agir cette nuit. Le message que vous a envoyé Madame Myers vous a quand même incité à faire quelque chose. Vous voyez quand même que Madame Myers est à la peine. Elle est. Vous savez clairement qu'elle est prisonnière de ce mannequin. Vous êtes dans une des cabines. Alors je sais pas laquelle. Est-ce que vous êtes dans la cabine de Paulat et Barrington ou dans celle de. Toujours celle de Paulat et Barrington, vu que c'est là où. Attendez, le baron est avec nous ou pas? Le baron est dans sa cabine, il dort. Bien sûr. Voilà. Il rêve de fez. Voilà, il rêve de fez. Donc vous êtes dans la cabine de Barrington et Paulat. Et vous allez donc mettre en place votre plan pour cette nuit. Je vous laisse. Voilà, tout est dit. Capitaine, est-ce que vous avez toujours votre arme sur vous? J'ai mon arme, ouais, et puis j'ai placardé un sabre à l'entrée de la cabine, au cas où. Ce qui semblerait que ça va être assez compliqué, ces histoires. C'était juste dans le détail, est-ce que vous l'avez toujours? Parce que moi, je l'ai toujours dans mon holster, ouais. Ouais, très bien. Pas du cœur. J'ai aussi... Pour le plan, il faut occuper, comme on a dit précédemment, il faudrait occuper le vigile, là. Lorsque tout le monde a les yeux fermés. J'ai aussi une carabine, je crois, le 303 Lee Enfield. C'est une carabine, ça, monsieur Le mec, il a la dynamite, il a la carabine. Ouais, mais c'est un ouf. J'ai deux termites, même. Une carabine, okay. Je crois. C'est... Non, t'as une carabine. Bah, du coup, il faudrait occuper, soit menacer le vigile, soit l'occuper pour qu'on puisse rentrer dans la chambre. Alors, on va s'occuper comment, là? Parce que moi, si j'y vais, je vais le défoncer. Hein. Moi, par lui faire mal de tête... Je préfère vous dire direct, je vais pas y aller tactile. Ça va être tactile, mais bon. Voilà. C'est que la dernière fois, déjà, on avait un petit souci de méthode avec le capitaine. C'est compliqué parce que de toute façon vous voulez m'envoyer je vous rappelle que vous vouliez m'envoyer tout seul. Alors oui, moi je n'ai pas fait d'études, moi je n'ai pas servi dans l'armée. Mais parce que t'es supposé t'as une réputation discrète et de manager, quoi. Moi ça me va, mais faudra être là derrière, quoi, hein, si jamais ça va pas. Mais il n'était pas question qu'on te casse tout seul non plus. Ah. T'es tout seul dedans, nous, oui, on surveille. Ah, parce que moi, dans le milieu, hein, c'est à chaque fois comme ça. Hein. On me laisse nous démerder. Mais d'accord, hein, bah, après je peux essayer de rentrer discrètement et de... Si tu sais ce qu'il y a à prendre. Si vous savez vous débrouiller avec un revolver, je vous prête le mien et je m'occuperai avec une carabine. C'est plus léger qu'une carabine, déjà, un revolver pour aller faire fouiller. Je sais pas si je sais l'utiliser, en fait, l'arme à feu. Bon, là, on y va vraiment comme des gens de nature violente. Il faut se préparer au pire, professeur. Parce que, au pire, là, ce que vous cherchiez, c'était pas grand-chose, c'était juste le pouvoir. Quoi. Et puis, nous sommes déjà dans une situation qu'on pourrait appeler la mauvaise situation. Tu voulais même pas voler de documents qui pourraient paraître à la base. Hein. Je parle d'il y a 3 semaines. Hein, moi, je voudrais bien aller rencontrer Monsieur Myers. S'il est comme l'étudiant que nous avons porté... à Londres. C'était à la base, attends, on était allé pour dans la cabine de Meyer, c'était pour sauver Madame Meyer. La récupérer Non, c'est récupérer des informations en fait pour pouvoir la sauver. Bah, elle sera en train de dormir, donc je crois qu'on va aller la sauver direct. Hein. Non, parce qu'elle va aller aux toilettes, justement pour qu'elle puisse être accompagnée par son garde du corps, s'il y a son garde du corps avec elle, et comme ça on pourra fouiller tranquillement la cabine. On est d'accord qu'on va dans la cabine de Meyers, des Meyers, pour voir Monsieur Meyers et, oui, accessoirement, s'il y a le murmure du Fez, le récupérer. C'est, récupérer c'est... ça ou tout autre document qui pourrait nous servir. Alors, vous savez que, a priori, la nuit, tous les chats sont gris. Déjà. Et que le garde du corps qui les suit en journée, donc la grosse brutasse, n'est pas avec elle. Donc elle est logiquement seule dans sa cabine avec son mari, Monsieur Meyers. Après, vous ne savez pas, puisque jusqu'à présent vous n'êtes jamais sorti de votre cabine la nuit, comment est le service de sécurité entre guillemets de la cabine des Meyers. Vous savez pas si les deux personnes, les deux gars que vous avez croisés devant la cabine, est-ce qu'ils sont là ou pas. Vous n'en avez aucune idée. D'accord. Puisque vous n'êtes jamais sorti jusqu'à présent de lui. Voilà. À savoir, est-ce que vous savez à peu près vers quelle heure vous comptez lancer le plan d'action? Puisque là, bon, il est 23h, le train est à l'arrêt, il y a encore du... Ça circule, hein, dans le train. Il peut y avoir des gens qui montent pour... Pas forcément des voyageurs, hein, mais des gens qui sont pour du nettoyage ou s'enquérir de diverses tâches par rapport au train. Moi, je pensais plutôt le faire vers 3h, 4h du matin. Puis on va faire quelque chose. Il y a des lève-tôt à 3h, 4h du matin. Alors, vous savez que le train arrivera à Belgrade à 5h40. Donc, potentiellement, il y aura déjà des gens debout. Il y aura des gens qui peut-être. Et les domestiques, et les cuisiniers, et les barbes. Peut-être des gens s'affaireront un petit peu avant d'arriver. 2h du mat alors. Quand le train sera en route. Oui, ça c'est sûr, par contre. Quand le train sera en route, on attendra une petite vingtaine de minutes histoire d'être à distance de la gare de départ. Faut attendre qu'un maximum de personnes dort. Faut attendre qu'un maximum. 23h. Bah, déjà, il faut qu'ils soient en route. Après, on s'en fout qu'ils dorment ou pas. Si c'est fait discrètement, si c'est que moi qui se bagarre, ça sera moi qui prendra. S'il meurt pas, le bonhomme, au cas où. C'est très bien. Alors, la seule chose qu'il faudra me dire, c'est qui sort en premier de sa cabine. Comment vous allez vous débrouiller par rapport à la sortie? Je vais sortir en premier, je suppose. Ouais. Je pense tu dois être une des personnes les plus discrètes que je connaisse. Donc en gros, tu ouvres la voie. Non. Toi, tu vas en dernier. Toi, t'es bonhomme, il faut pas se faire voir. Si t'es le premier à être vu, c'est terminé. Moi ou les autres, ça va, parce qu'on fait le gay. Mais toi, tu vas discrète derrière. Je vais sortir fumer un cigare en bout de wagon, là, pas loin des toilettes, là où elle est censée être. Ouais. Et j'attendrai armé de mon revolver parce qu'il veut pas prendre. Voilà quoi. Pense à prendre un petit. J'ai mon couteau de toute façon. J'ai pas utilisé vraiment d'arme à feu, mais j'ai au moins mon couteau. C'est un gourdin, je pensais à un gourdin, mais. Couteau. En gros, pour faire. Vous allez attendre un petit peu, genre sur les coups de minuit et demi, histoire de laisser passer un peu de temps. Pour que les gens retournent un peu à chacun dans leur cabine et les employés peut-être à se reposer, pour après lancer le plan d'action en fait. C'est ça? Mm-hmm. Ok. Donc, c'est toi, Capitaine Barrington, qui va sortir en premier de la cabine et qui peut-être préviendra les autres pour que petit à petit vous sortiez les uns derrière les autres ou vous sortiez à régulièrement. Intervalle. Ouais, bon, on y va à intervalle, non? Qu'est-ce que vous en intervalle, ouais. Parce que si je me mets à faire des... à imiter la chouette pour faire un signe ou à taper contre d'accord, les murs, donc en gros, une fois que le capitaine Barrington est sorti, combien de temps... qui sort en deuxième? Bah moi, du coup, je sors assez tranquillement aussi. Toi? Ok. Oh, oui. Je fais un coucou à Nanandre, vite fait. Donc... Capitaine Barrington. Les autres, vous allez enlever mon casque, s'il vous plaît. Même moi? Oui, parce que tu n'es pas encore sorti. D'accord. Le fameux coup du casque. Du coup, t'entends rien, toi, Maxime? Bah non. Faut croire qu'il entend rien, ok. 1, 2, 1, 2. Non, mais... t'as pas de son, Maxime? Bon, faut croire que non, sinon il m'aurait répondu. Faut faire du mime, hein, sinon. Voilà. Tu sors donc. Tu ouvres la porte. C'est la nuit assez noire. Tu vois pas grand chose. Il y a un peu de reflet de la lune qui vient un peu illuminer le couloir. C'est une lune pleine. C'est une lune pleine. C'est une lune pleine, une demi-lune, un truc comme ça. Ouais, c'est une demi-lune. Allez. C'est pas une lune exceptionnellement. D'accord. Voilà, c'est pas la lune des loups-garous. Si tu... T'inquiète non, pas. Oui, bah. T'auras pas de loups-garous dans le train. Ouais. tu remarques en jetant un coup d'œil rapidement à l'endroit où tu avais vu les gardes la dernière fois. Qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Le couloir est vide. Complètement. J'entends des ronflements, quelqu'un qui. Des gens qui. Non, c'est le bruit du. Tu as le bruit du train, le bruit des roues sur le rail. Bah, je me dirige là où je dois me poster. Puis... Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de toc. 3. Limite. Tu commences à avancer dans le couloir pour te diriger vers justement là où tu veux aller. Et comme je te dis, la lune éclaire le wagon. Et à un moment donné, tu tournes la tête vers la porte des Myers, comme si tu t'apprêtais peut-être à tendre l'oreille dessus pour voir si tu entendais des bruits. Et tu fais face à cette porte. La lune est dans ton dos. Et donc, elle vient projeter ton ombre sur la porte. Seulement, tu remarques quelque chose qui te trouble. Un truc qui devrait pas être ce que tu vois en ce moment. C'est que ton ombre... C'est pas mon ombre. N'est pas ton ombre. L'ombre que tu vois sur cette porte est effrayante. Elle est presque démoniaque. Et tu vois que elle se... Au fur et à mesure que tu te rends compte de cette ombre, que ce n'est pas la tienne, elle commence à grossir, à s'étendre devant toi. Et tu commences à remarquer comme un espèce de... Comment dire comme une espèce de d'ombre satanique, quoi, avec un museau, des dents presque qui se forment, très acérées, des griffes. Et elle te fait face. Mais elle est tangible, mais c'est de l'ombre tangible ou elle est juste le reflet contre la porte? Ah non, là au début c'était une simple ombre, mais tu sens maintenant que cette ombre a l'air d'être vivante et qu'elle te regarde et qu'elle a l'air presque en position agressive. Je peux changer de wagon, aller dans un coin lumineux? Et là, tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Alors, ça... Oh. J'ai des rojones, monsieur. J'ai même pas peur de mon ombre. Ah. Bon, Maxime qui a perdu la connexion avec... Mais ça va revenir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tu gères plutôt bien. Tu es devant cette chose, qu'est-ce que tu fais? Le couloir, il est pas allumé. Il n'y a pas de veilleuse, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a rien d'allumé. C'est juste la lumière de la lune qui éclaire un tant soit peu la pièce. Je voulais allumer un cigare, mais je crois que j'ai allumé ma chemise ou une manche de chemise que je déchire à la volée, histoire de faire un petit peu de lumière. Tu veux... Je m'arrache un pan de chemise, la manche de la chemise, et puis j'y mets le feu, parce que je comptais allumer un cigare de toute façon. Je pense, un briquet, par la poche. Ouais. Et donc tu l'allumes comme ça avec ton cigare? Enfin, tu l'allumes comment, ce machin? Avec le briquet. Ah, avec ton briquet. Bah, tu fais ça. Mmh. Alors, c'est sûr que ça fait une source un peu de lumière un peu plus intense. Mais tu sens que l'ombre, en fait, elle est diffuse, mais elle est toujours là, en fait. Et que... Je peux pas lui balancer, là, à la gueule, là. Bah, mettons, tu lui lances... Ça va rebondir sur elle et ça, pendant un temps, elle va disparaître puisque elle va le recevoir dessus et tu vois que ça tombe par terre, ça tombe sur la moquette du train d'ailleurs. À ses pieds ou derrière? Ben en face de toi puisque tu fais face à la porte, donc le tissu tombe, vient taper sur la porte et finit par terre. Et du coup, créant une autre ombre qui elle. Du coup, vu que le tissu brûle devant toi, va projeter une ombre okay. Derrière toi. Je fais face à l'ombre là qui est supposée être sortie de la porte. Je la bouscule, je traverse le couloir jusqu'à ma chambre pour gueuler et pour appeler de l'aide. Ok. Du coup. C'est bon? Ouais, bah il faut que Maxime et Xen remettent leur casque. Ok. Sauf Xen, il ne veut pas savoir. Ah, il fait son autiste. Xen a décidé. Xen. Il fait son autiste. Oh, attends, faut juste le ping. Ah ouais, ping d'accord. il voulait pas entendre. Alors. Ça fait quelques minutes que Barrington a quitté la pièce. Et quelques minutes après être sorti, vous le voyez qui déboule dans la pièce en courant. À toi. Wow, je deviens dingue, je vois deux ombres dans le couloir, deux ombres tangibles. Je sais pas quoi faire, il faut... Ça devient malsain dans le coin, faut vite faire quelque chose. Autre chose que je pense, voilà, et ça va pas bien. Vous avez vu ça, Non, je peux pas. Il fait un selfie. Je te tiens par le bras et je te demande, mais qu'est-ce que vous nous racontez là, capitaine? J'ai vu une ombre surgir, mon ombre se transformer, surgir du reflet de la porte des meilleurs, ce qui s'est matérialisé devant moi, et puis j'ai voulu la maîtriser en brûlant ma chemise. Il me manque une manche de chemise en faisant du feu pour la faire disparaître. Cependant, il y a une deuxième ombre qui est apparue, créée par les flammes. Je dis ça tout paniqué, moi je suis pas comme les gars. Oui, bien sûr. Comment ça, une ombre qui se matérialise? C'est presque un cauchemar. Presque comme dans un cauchemar. Pourquoi vous avez essayé de brûler vos vêtements pour faire de la lumière? Oui. Et aussi, oui, et aussi voir, ouais, ouais, ouais. Aussi chercher à voir si. Oui, si l'ombre avait peur de la lumière, mais en fait, non. Elle a rebondi sur elle-même. Rebondi? Oui, les flammes. Étrange. Vous sentez quand même que. Ceci dit, n'allez pas voir, surtout. Le capitaine Barrington a l'air assez troublé, assez décontenancé, et ses propos sont très incohérents. Bon, asseyez-vous, capitaine. Allongez-vous, oui. Voici. Je vais rattraper mes 24 heures de nuit blanche. Mais c'est ça, en fait. Vous n'avez pas assez dormi, c'est pour ça. Kassim, as-tu déjà entendu quelque chose pareil? D'accord. Georges, t'as déjà entendu quelque chose pareil? Oui, bien sûr. Tous les soirs, j'entends des choses pareilles. Mais non, bien sûr que non. Je vais prendre une lampe torche. Une vraie lampe torche. Tu as ça, toi? Bah, disons que mon inventaire est un peu vide et j'ai même pas de fric. Je sais pas si tu avais une lampe torche sur toi. Oui, c'est vrai que c'est pas logique. Mais par contre, on peut avoir une bougie. La lampe à huile de la... On n'a pas de lampe à huile, là. On a des lumières... classique, je pense, de l'Orient Express. C'est quoi? Ouais, des lumières électriques. Mm-hmm. C'est électrique? L'Orient Express, oui, oui, oui. En 1800 machin? Oui. T'avais déjà une ampoule Ouais, t'en fais pas. Ouais, il me semble, attends, 1893? Oui, oui, t'as fait. Il n'y avait pas électricité à tous les étages, mais au moins, je pense, dans l'Orient Express, ils avaient un éclairage électrique. Oui, voilà, c'est là, en même temps, tu es quand même dans l'Orient Express, le fleuron, le top niveau du luxe en termes de train, de voyage. Donc, il y a le meilleur qui est présent sur ce train. Donc, je suppose que quand même, on doit avoir des bougies à côté dans l'Orient Express. Si jamais il y a une panne de courant, si jamais il y a un truc dans le genre, on doit avoir... un truc mais faites-moi un jet de toc pour savoir si par chance il pourrait y avoir des bougies qui traînent. Une lampe torche, je pense pas, mais. Pas de lampe torche, mais des bougies 60. Qui traîneraient. Bougies, j'ai pensé aux bougies. On va cramer le train. C'est parti. Donc, vous trouvez effectivement une bougie qui traînait dans un coin. Avec le porte-bougie qui était avec. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais pas si je peux en passer une à George Bent, mais je dis au capitaine Barrington, restez ici. Vous avez peut-être raison, mais je préfère m'en assurer de mes propres yeux. Il va falloir que quelqu'un vous accompagne, je suppose. Merci de vous proposer, George Bent. Ah, je ne me proposais pas. Avant de partir, je vous préviens qu'il faut faire attention aux lueurs de la lune si jamais vous êtes dans l'obscurité. Vous y allez à combien alors? Qui sort? À deux. Donc, le père et le fils, c'est ça? Vous avez un fils? Donc, incroyable. George Banks et Professeur Worth. Donc, vous sortez, et je vais demander, du coup, à ceux qui restent, de faire la même chose que les autres, c'est-à-dire enlever le casque. Barrez-vous, Kili. Le MJ. Ah non, mais pas moi. Non, mais non, mais pas toi, t'es sort. Donc, je vais demander à Capitaine Barrington et à Kassim Pollard d'enlever le casque. Ça va être chaud de jouer un soir avec tout. Vous sortez donc dans le couloir. Vous notez justement que à l'endroit où étaient postés les gardes de Mancaf la dernière fois, une personne ne s'y trouve. Vous remarquez également que devant la porte des Meyers, il y a effectivement un morceau de tissu qui finit de brûler sur la moquette et donc un léger. Une légère odeur de moquette cramée qui vous arrive aux narines. Vous commencez à vous avancer et je voudrais que chacun d'entre vous me fassiez un jet de TOC. Ok. 21. Alors, attends. Que je retrouve ma fiche, moi. Voilà. Que je sais pas pourquoi elle bug avec moi. TOC. 62. Un échec. George Banks, tu marches, tu suis donc le professeur Worth. Et la seule chose que tu remarques, effectivement, comme t'as dit le capitaine Barrington, la lune qui est claire, donc c'est pas une pleine lune, c'est une demi-lune. C'est pas ultra brillant, enfin c'est pas un truc ultra fort en puissance. Tu vois que oui, effectivement, c'est un peu lumineux dans le couloir, mais sans plus. Et que bah, ça fait du bien d'avoir une petite bougie avec toi, parce que bon, bah, sinon tu verrais pas grand chose. Mais voilà, mis à part cette odeur de boquette cramée. Par contre, toi. Moi j'ai le tarin. J'aurais presque envie, juste pour le côté un peu vraiment immersif, que toi, George Banks. J'enlève ça, tu d'accord. Enlèves ça, juste ça sera pas long. Bah, dis-moi, je vais essayer de faire ça. Alors que tu es à côté de George Banks, vous marchez tous les deux dans le couloir. Vous commencez à arriver vers la porte des Meyers. Et tu fais face à la porte. Quand tu regardes la porte, tu as effectivement ta bougie qui est en face de toi. Et la lune qui vient dans ton dos, qui projette une petite ombre. Mais bon, vu que tu as la bougie en face, tu pour toi, c'est ton, dans un premier temps, c'est ton ombre, mais un peu diffuse, quoi. Mais au bout d'un moment, tu écartes un peu la bougie de toi et tu remarques, effectivement, aussi incroyable que cela puisse paraître, que ton ombre n'est pas ton ombre. Et que le pire de tout ça, c'est qu'elle semble avoir des allures de démon, des mains assez, enfin avec des ongles, des griffes acérées, une espèce de bouche assez allongée et des dents acérées, pareil, enfin c'est très pointu, très voilà, qui seraient prêtes à te déchiqueter, et un peu quelque chose de fantasmatique, tu vois, et que ça bouge, et tu sens que elle est mue par sa propre volonté. Et que plus tu avances, enfin plus tu réalises ça, et plus elle te fait face, et presque elle pourrait presque te frapper, t'agresser. J'arrête George Banks comme ça, je du bras. Alors faudrait que George Banks. Non, George Banks. Oui. Que George Banks. Que moi. Pas capable. Et vous en les autres. Les autres silence. Bouh, voilà. Je vais te bouder. Allez, je vais va bouder dans ta cabine. Ouais, je vais me faire la gueule à moi-même tout seul. Chut. Bon alors. Donc je t'arrête, hein, George Banks, avant qu'on aille plus loin. Donc qu'est-ce qui se passe? Je regarde un peu les environs. Est-ce qu'il y a que notre éclairage plus la lumière de la lune qui se transmet par la fenêtre? Il y a que ça. Il y a votre bougie, vos bougies et la lumière de la lune. C'est la seule chose qui éclaire le couloir. Je t'indique, regarde mon ombre. Ne fais pas un geste à part le regarder. Juste avant ça, chose que j'ai oublié de mentionner qui peut avoir son importance, tu vas me faire un jet de San. Me dis pas ça, s'il te plaît. Mais je suis complètement fou, en fait. Ça, c'est réussi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, et ce qui te surprend toi-même, tu arrives à garder tes nerfs. Bon, c'est logique. Regarde ce qui se passe avant de me dire des trucs bizarres. Bah, je te présente ce qu'il y a au sol, et du coup, toi aussi, tu vas faire ton petit jet de ça. Donc, non, j'ai pas envie. Là, je te montre le truc, en fait, l'ombre devient pratiquement démoniaque et a sa propre pensée. Et tu la vois avec des griffes et tout, là, c'est écœurant. Ouais, tu remarques, comme tu l'as fait remarquer justement le professeur Worth, que l'ombre du professeur Worth n'est pas la sienne. Et que elle est d'une forme assez démoniaque, donc des griffes acérées, une bouche pleine de dents qui n'attendent que de te dévorer, et des yeux pleins de haine qui s'apprêtent à peut-être à vous attaquer dans les instants qui vont arriver. Et d'ailleurs, du coup, tu as le réflexe, aussi incroyable que cela puisse paraître, de regarder ton ombre. Et tu remarques que tu es la même. Et que cette ombre bouge d'elle-même sans suivre tes mouvements. Et plus ça va, vous deux, plus vous voyez les ombres se rapprocher de vous. Tu me fais un jet de San, George Banks. Ah non. Non, ça c'est les PV. Je peux lancer les PV. Oh non! Oh non! Oh non! C'est pas possible ça! C'est pas possible! C'est pas vrai! C'est pas vrai ce que tu me dis! Tu mens! C'est un rêve! J'allais dans ma cabine, moi, je me réveillais, c'est un rêve! C'est pas possible! Tu C'est perds faux! 14 points de santé mentale, tu deviens complètement malade! Tu perds, dans un premier temps, 3 points de santé mentale. Ok. Ce qui se passe, c'est que au moment où tu réagis, que tu te rends compte de ce que t'as fait part le professeur Worth, tu t'effondres littéralement en panique. Tu cries, tu te mets à courir. Et en fait, le truc, c'est que tu cours avec ta bougie dans la main, ce qui fait que tu as beau te retourner, l'ombre te suit. Tu as beau te retourner, l'ombre te suit. Et à aucun moment, tu te dis, il faut que je pose cette bougie, parce que tu as perdu la lucidité. D'accord. Tu es perdu, tu cours dans le couloir. Limite, tu pousses le professeur Worth qui tombe, qui fait tomber la bougie par terre, qui commence à enflammer la moquette Moi, je suis lucide, hein, j'éteins. et tu vas te perdre je ne sais où et te cacher littéralement dans un coin en criant hystérique, quoi. Pas possible, c'est pas possible ça. C'est un rêve, ça peut pas se passer ça. Les ombres, c'est pas comme ça normalement. Non, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, après toi, que fais-tu, capitaine. Capitaine Worth. Professeur Worth. J'éteins complètement la flamme. Et tu vois Georges Main qui part en courant. Je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose. J'observe attentivement le moment. Est-ce qu'elle est sur le point de m'agresser ou elle patiente elle aussi? Pour l'instant, elle commence quand même à se rapprocher. Tu vois que plus tu attends et plus l'ombre se rapproche et que tu sens que ses mains pleines de griffes, commencent à se rapprocher de ton visage. Est-ce qu'il y a un store pour descendre l'éclairage de la lune, faire comme ça? Fais-moi un jet de chance. C'est bien, j'en ai gagné tout à l'heure. Oui. Bah, je descends le store. Ok, donc au moment où tu fermes le store, je suis dans le noir complet. Tu es dans le noir complet. Tu es dans le noir complet. Donc là, l'ombre a forcément disparu. Mais tu es dans le noir complet. Je suis dans l'ombre. Bon, c'est peut-être très dangereux, très stupide, même inconscient. Mais à pas de loup, je me déplace en essayant vraiment d'aller sur la porte. Là où je l'avais vu, vraiment, la porte de... Des Meyers ? Des Meyers. Ok. Bah, tu avances. Tu... Qu'est-ce que tu fais ? Une fois que t'es devant la porte... Je toque. Je crois qu'il y a Madame Meyers, donc elle va peut-être m'aider. Tu toques. Dans un premier temps, tu entends rien. J'ai envie de dire... Psst, c'est moi. ça va être un peu chaud. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Tu ouvres, la porte s'ouvre. Tu poses la poignée, je suppose. Je respire un bon coup. Ouais. Et j'ouvre la porte. Et dans un instant, je la ferme derrière moi. Ok, donc tu entres directement dans la pièce. Ouais, et je derrière ferme. Toi. Ouais, sans voir ce qu'il y a dans la pièce. Vraiment, je ferme. Ok. Je vais récupérer les deux autres. Vas-y. Bah, c'est... Moi, je m'échappe, c'est ça ? Ouais, tu peux l'enlever. Non, mais je le fais tous alors. Oui, tu peux l'enlever si tu veux. Oui, tu... Bah ça y est, je me suis boudé, voilà. Ça y est. Comme ça, il se fait un thé. Est-ce qu'on a récupéré Maxime ? Eh, le rouquin. Et tu nous entends, là ? Eh, il nous entend ? Non. Maxime ! Ok. Bah on va jouer avec un mime ? Ah ! Ah ok, d'accord. Non, d'accord. J'ai cru que... Parce que sur ta truc, il y a le casque qui est coupé. Non, le casque. Si t'es mute, avant tu prends en pause, tu pourras pas parler. Voilà. Est-ce qu'on m'entend ? Là oui, ouais. On t'entend. Mais est-ce que toi, tu nous entends ? Oui. Ouais, bah c'est bon, alors. C'était ce que je voulais revenir. Donc, vous êtes resté dans la pièce, hein, dans la chambre. Il s'est passé quelques minutes... Au bout de quelques minutes de temps, d'un coup, vous avez entendu George Banks crier, hurler, mais de terreur. Il est parti, vous entendez les pas de quelqu'un. T'as pas le son d'un cri à nous balancer, histoire de rigoler. Non, mais c'est bon. Le cri d'une femme, tu sais, le cri d'une femme. Voilà. Et vous entendez les pas de quelqu'un qui court et qui percute quelque chose, et qui après, qui recommence à courir, et qui quitte carrément le wagon, en criant. Donc, vous pouvez imaginer que c'est George Banks, au son, qui au vient client. De partir en courant du couloir. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais dans le couloir, le réflexe à sortir mon flingue. Tu ouvres la porte... Tu notes que il fait noir complet. Tu ne vois absolument rien. Il n'y a pas de lumière. Tous les stores qui étaient dans le wagon ont été fermés. Ok, je retourne dans la cabine. Je prends mon sabre. Je défais ma chemise. Je l'entourne pour en faire une torche. Il y a pas d'huile à brûler. Je mets le feu quand même. Histoire d'avoir un peu de lumière. Ils sont partis avec les bougies, c'est cool. Et ton côté, Kassim ? Je voulais jouer à prudence, mais voyant mon ami agir avec autant de... Peut-être pas de sang-froid, mais en tout cas de courage, je vais le suivre. Ok. Donc, vous sortez avec une torche improvisée. Une torche et un flingue. Et une torche et un flingue, voilà. Et quand vous allez sortir de la pièce, vous voyez effectivement qu'il n'y a plus personne dans le couloir. Que tous les stores ont été fermés. Les stores du couloir ? Oui, en fait, tu as les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et ben, oui. Ils ont tous été fermés. En gros, pour cacher la lumière de extérieure. En gros. Et tu remarques avec ta torche que la une des bougies ainsi que de porte-bougies que avaient vos camarades est au sol et qu'il y a en fait une surface de la moquette qui est calcinée. Vous allez me faire tous les deux un jet de toc, s'il vous plaît. Oui. En même temps. Oui, mais pas du tout le même résultat. Alors. J'ai fait 50. Ah non, j'ai fait 79. Barrington, tu es tellement pris dans l'urgence par les cris, l'affolement un peu de ce qui vient de se passer que tu regardes un peu partout, tu balades ta pseudo-torche un peu dans tous les sens, tu vois, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Par contre. Toi, Kassim, au gré des mouvements de la torche de ton camarade Barrington, tu viens à notre, enfin, par le plus grand des hasards, tu t'es rappelé un peu ce que t'avais dit Barrington sur les ombres, qui étaient pas des ombres, qui étaient des trucs bizarres. Et du coup, tu as le réflexe de regarder l'ombre de ton camarade. Eh bien, t'as le droit à un jet de santé mentale. C'est au moins. Mais c'est pas l'ombre de Barrington, ça. Et tu remarques que c'est une ombre qui n'est pas la sienne, qui est difforme, presque. On dirait presque un démon. Des mains avec des griffes acérées qui bougent un peu, elles font ce qu'elles veulent. Un visage qui a des yeux méchants, enfin, tu sais, qui observe, qui vous observe. Tu sens vraiment, tu te sens observé, tu te sens comme si tu étais menacé par cette chose. Et plus ça va, plus les mouvements de Barrington se font brusques, et plus tu sens cette ombre qui se rapproche de lui dans son dos, puisqu'il ne voit pas, lui, il est avec sa torche devant lui, sauf que ça projette l'ombre derrière lui, et cette ombre se rapproche petit à petit, et tu as le réflexe de regarder la tienne, et c'est la même chose. Tu me fais un jet de sable. San, où es-tu, mon petit déjà? C'est premier onglet, je crois. Ouais. Ça va, j'en ai pas mal. Ça va. Eh bien, tu gères ça à la perfection. Ouais. En gros, tu. Je sais pas, ému d'un courage que tu n'as jamais su que tu avais ce courage-là. Et. Tu passes au-dessus de ça pour faire. Qu'est-ce que tu fais? J'hésite beaucoup, mais il faut que je prévienne mon ami quoi qu'il arrive. Donc déjà, je vais hurler son nom pour qu'il rentre en phase de d'action quoi. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire face à une ombre? Bah je sais, je vais prendre des mains la torche de notre ami. J'allais dire Barrington. Oui, c'est ça. C'est Barrington. Ça, Barrington, exactement. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, je vais prendre la torche des mains pour la tendre vers nos deux ombres, en fait. Bon, bah, allez-y, hein. Jouez. C'est vous, hein. Je vais se faire. Il veut prendre le sabre enflammé, ouais. D'accord, bah, pique-le. Si c'est derrière moi, pique-le. Donc tu l'avertis que qu'il oui y a ça, c'est ce que je dis, je hurle Barrington. Ouais. Et sur le réflexe s'il y a avoir sûrement de se tourner vers moi, je lui prends directement la torche des mains pour. Ok, bah donc au moment où tu prends la torche pour la braquer, donc en direction des ombres, eh bien par le jeu des ombres, eh bien ces ombres se retrouvent derrière vous, puisque la flamme éclaire. l'ombre arrive derrière vous. Donc les ombres sont toujours là, mais elles sont derrière vous. C'est une ombre. On est face à face dans le couloir, moi et lui. Vu qu'il m'a appelé, je me retourne, il me prend la torche, on est face à face, donc on a les ombres des deux côtés du couloir. Ben voilà, donc en gros, toi tu vois, en fait, tu vois l'ombre de Barrington de l'autre côté, et toi tu vois l'ombre de Kassim de l'autre côté, donc deux ombres qui vous cernent, comme ça. Du coup, du coup, je te dis baisse la tête, et puis j'enclenche le percuteur du. Je tire dans l'ombre. Tu veux tirer dans l'ombre ? Ouais, je te dis baisse la tête, et t'as à baisser la tête. Hein. Je baisse sa tête, évidemment. Okay, tire dans l'ombre. Fais-moi un tir. Enfin, fais-moi. Alors, c'est. Alors, tu tires, donc ça fait une énorme déflagration. Là, tu te dis que. Ah, on a crevé un pneu. S'il y a des gens qui étaient en train de dormir, c'est fini. Ils dorment plus. Tu as tiré sur l'ombre. Tu l'as touché. On voit rien. Mais si. Mais la seule chose que tu as remarqué, c'est que ça ne fait absolument rien, cette ombre. Mais ouais. C'est tangible à minimum, quoi. C'est le croque-mitaine, quoi. C'est le croque-mitaine. Attends, il faut qu'il arrive, Zozo, là. Zozo. Eh hey, les zozo, eh hey, les zozo, cui-cui les zozo. Xen. Allez, mais Xen il est toujours concentré. Ouais. Voilà, envoie lui un attends, message. Je fais une petite baffe. Un everyone. Ça marche, ouais ça marche. Mais après je comprends, s'il a des problèmes de PC, c'est vrai que c'est. Ça y est, je suis mort. Eh t'es mort. De ton côté. J'suis désolé, je t'ai tué. George Banks, tu es toujours recroquevillé. Dans un coin, je ne sais pas où, peut-être dans le salon-restaurant, en mode syndrome de l'hôpital. Je suis même allé plus loin, là je suis allé carrément dans le salon tout court. Là, mais là, il a couru jusqu'en Turquie. Donc, t'es comme ça, dans le syndrome de l'hôpital, tu vois, t'es comme ça, en train de dire... C'est pas vrai, c'est un rêve, c'est pas passé. Et il y a du temps, non. Et tu entends un coup de feu. Non, c'est pas vrai. De ton côté, professeur Wirth, tu es rentré. Au moment où tu as réussi à rentrer dans. Donc maintenant, vous le savez, puisque vous entendez, mais le professeur Wirth a réussi à rentrer dans la chambre des Myers. Tu es rentré, tu as vu du coup la madame Myers qui est réveillée et son mari qui est allongé sur le lit et qui porte sur sa tête. Un fez rouge sang. Au moment où tu réalises tout ça, un coup de feu retentit dans le couloir. Je parie que c'est le capitaine. Je reste assez calme, mais j'entends le coup de feu d'un coup. Là, je réalise tout de suite, mince. Je pense que Madame Myers est paniquée. Elle commence à trembler, elle sait plus quoi faire. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vous ai demandé de m'aider maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Calmez-vous, Madame Myers. Mais on va mourir. Regardez mon mari, moi, et le oui. Feu maintenant. Je suis sûr qu'on vient nous tuer. Écoutez, il nous faut... On peut sauver encore votre mari, il est sauvable. Est-ce que vous avez ici un document qui se nomme Le murmure du Fez? Mais j'en sais rien, il y a plein de livres, je sais pas ce que c'est. Je regarde tous les... Fais-moi un jet de toc. Allez, on prie la chance. 37 sur 65. Ok, tu commences à regarder, à fouiller un peu la pièce partout. Et je peux faire un jardin bibliothèque hein, s'il le faut. Non, mais tu regardes un peu partout, tu fouilles et à un moment donné, près du lit, tu trouves un livre. Tu prends ce livre, tu regardes le titre de ce livre. Et ce livre, Fesse rouge, s'appelle Les murs de Fès. Maintenant, il y a eu un coup de feu dans le couloir. C'est lui. Restez ici, Madame Meyers. Est-ce qu'il y a une... et en dehors du fait que la balle est traversée, est-ce que il y a eu une réaction autrement? Du coup, parce que ça commençait à disparaître. Là, en gros, c'est je fais un peu gérer tout en même temps parce que là, c'est il y a eu le coup de feu, mais en même temps, il cherchait et tout ça. Voilà, bref. Mm-hmm. Pour vous, ça va assez vite. Il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, des gens qui crient. Vous remarquez le garde du corps de russe qui commence à sortir de la pièce armé. Ok. Puisse-t-on réagir? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous faites là pour l'instant? Je tire la cordelette d'urgence, alors est-ce qu'on alors, mis à part, pour l'instant, la seule source de lumière dans le couloir, c'est ta torche improvisée. C'est-à-dire que si il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Mais Ce qui veut dire que pour l'instant, personne n'a vu nos visages et nos identités. Pour l'instant, non. Vous avez, vous, votre sabre improvisé en torche. Oui. Je tire la cordelette d'urgence pour faire stopper le train. Et la torche, je l'étouffe. Tu l'étouffes en tête. Pour disparaître dans le noir, et on va essayer de disparaître dans une salle, se cacher. La cabine est pas loin, on est à peine sorti en même temps, on a fait 2 mètres. C'est ça, normalement la cabine est pas loin, donc on peut jouer la surprise en mode, mais qui a fait ça? C'est moins chaotique que ce que je pensais. On va voir, attends, j'aurais rien dit comment je vais vous jouer ça. sur un test avec un skill à 99, s'il te plaît. Ça va. Un skill à 120%, ça serait bien. Attends, moi j'ai fait un 99 tout à l'heure, donc on n'est pas loin du 100, attention. Normalement, on devrait dire discrétion, mais parce que vous avez quand même l'avantage que il fait noir, sauf que c'est toi qui as la torche dans la main. On va dire que tu vas me faire un test de discrétion, mais à 50. Genre, je te donne 50. Et j'ai combien normalement? Tu as 20. Ah, mais c'est très gentil. Non, parce que je prends en compte le fait que il n'y a pas de lumière et tout ça. Donc voilà, c'est... Allez. C'est une réussite. Écoute, ben, tu réussis. Tu vois que l'action, le fait qu'il ait tiré sur la poignée a fait en sorte que le train s'est arrêté en urgence. Tu vois que les gens qui commençaient à sortir sont littéralement... propulsé un peu brinque-ballé dans tous les sens. Du coup, ils n'ont pas forcément le temps de regarder à l'endroit où c'était. Et toi, tu as le temps de partir un peu plus loin dans le fond du truc et d'éteindre en urgence le sabre. Il fait nuit noire complet dans le wagon. Il y a des gens qui hurlent, ça crie dans tous les sens. Voilà, vous êtes tous les deux dans le couloir. Toi, tu es dans le wagon, dans la. Mais je le suis. Non, non, mais vous, en soi, vous ne savez pas où sont vos camarades. Là, vous le savez parce qu'on en a parlé tous ensemble. Non, mais vous ne savez pas où sont. Oui. Je suis Paulette. Moi, je suis Paulette. Je suis pas. Donc voilà. Donc vous partez vous cassez dans un coin pour partir loin de tout ça. Et toi, du coup, Worth, tu es dans la cabine avec les Myers. Je lui dis. C'est le pire. Vous le savez totalement. On n'en parle plus. Fermez à clé dès que je pars. On va sauver votre pari, je vous promets. Ok. Du coup, tu tentes une sortie. Profiter de la cohue pour essayer de sortir en urgence comme ça, c'est ça? Oui. Ok. Bah, tu ouvres la porte. Les gens sont un peu en foufou. Tu vas me faire un test de discrétion 50 pareil. Non, même 60 parce qu'il fait. Du coup, il fait nuit là. Bah, ils vont rien. Plus 60. Allez, 70 parce que je suis grand joueur. Non, parce qu'il fait noir. Donc après, discrétion dans la cohue quand il fait noir. Allez. Putain, je suis vraiment sympa moi. T'es trop sympa. Il dit ça sur le chat. Hein. Et je fais un 0,9, plus 69, mais je fais un 0,9, hein, promis. Non, ouais, je valide. Tu sors de la. De oui, la c'est vrai que je suis un peu con. J'ai fait plus de 60. Ninja. Voilà, personne te calcule. Tu vas où? Tu vas dans ta cabine? Tu fais quoi? Parce que là, tu sens que c'est la cohue. Parce que c'est le bordel. Personne ne peut rien voir. Toi, en fait, tu as visualisé mentalement les lieux puisque tu l'as fait dans le noir. Je vais changer de wagon et je vais tenter d'aller voir le baron. D'accord, ça marche. Bah c'est lui hein, qui s'y connaît sur les fesses et le murmure du fesse, et c'est lui qui a la copie de l'apocryphe du fesse pour qui. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut décrire ça pour moi. D'accord. Alors par contre, le problème c'est que tu vas devoir aller dans le sens. Pour aller dans Ah, si c'est pas wagons. Possible, si c'est pas possible, non, je sais pas que c'est possible, mais tu vas prendre des risques puisque le garde du corps va arriver dans ta direction à toi au moment où tu vas le croiser en fait. Donc tu vas aller logiquement en contact direct avec le garde du corps du russe. Si je croise, je fais demi-tour et je cours dans l'autre direction ou je me rends dans l'autre direction. Bon, bah, style, tu vas te rendre dans l'autre direction puisque tu vas le croiser. Je vais aller dans l'autre cabine et puis. Mais bon, tu profites de du tourment ambiant, de la tourmente, pour ne pas être vu. Personne ne vous a vu. Personne ne sait ce qui s'est passé. Voilà. Il y a George Banks qui est caché dans un coin en train de appeler sa maman. Cassim, papa, désolé. Cassim et Capitaine Barrington, ils sont carapatés à l'opposé total des faits. Donc limite, ils vont peut-être se rapprocher de George Banks. Ils vont peut-être retrouver George Banks plié en boule quelque part. Et toi, donc tu vas à l'opposé, mais alors est-ce que tu rentres dans ta cabine ou tu vas à l'autre bout du train? Je rentre dans notre cabine. Ok. Et j'y reste. Ok. La lumière allumée. La lumière allumée dans la cabine. Ouais, lumière allumée dans la cabine. Et en fait, quand tu rentres dans la cabine, la lumière est allumée. Et tu notes que tu regardes ton ombre. Et ton ombre est tout à fait normal. Ok. Pendant ce temps-là, donc vous avez Cassim Pollat et Capitaine Barrington qui se barrent à l'opposé du train. Et effectivement, au bout d'un certain temps, vous essayez de faire genre que vous êtes peut-être allé boire un verre quelque part ou discuter. Vous tombez sur une personne qui est en boule sous une table et qui gémit comme un enfant de 8 ans. Non. Je le réconfortais en le tenant les épaules. Ça va aller, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Mon ami, c'est nous. Je vais surtout pas me réconfortant. Tiens, voilà des bons mecs. Voilà d'ailleurs, des bons mecs. D'ailleurs, t'en as pas eu pour Halloween, pardon mon fils. Pardon, mon d'ailleurs, fils. En faisant ça, vous remarquez et même vous sentez que ça sent pas bon à côté de lui. Mais je t'ai fait quoi là pour faire ça quoi? Tu as fait 99, désolé. C'est pas 100. Je suis désolé. Oh, ça sent le thon là quelque part. Et on non, a en gros, il s'est pas chié dessus, mais il s'est fait pipi dessus, donc c'est une flaque. Mais... voilà, ça sent l'urine à côté de lui. Il va aller se laver sous la pluie au prochain arrêt. Voilà. Puis il y a une salle de bain de toute façon. Donc voilà, vous l'avez presque suivi à la trace tellement. Ah non, mais dis pas ça en plus là. Mais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder. Très vite, de toute façon, vous notez l'activité qui commence un peu à s'intensifier dans le train. Ça crie. Il y a des employés qui s'affairent dans tous les sens. Le train s'est arrêté, hein. Il y a une poignée d'urgence qui a été tirée. Donc, on essaye de faire en sorte que. Et il est décidé d'aller jusqu'à une des stations. Alors, pas la prochaine jusqu'à Belgrade, proche, mais à une prochaine gare qui n'est pas censée être un arrêt. Où la police viendra probablement. Enquêter sur ce qui vient de se passer dans le train. Pendant ce temps-là, vous croisez des employés qui vous demandent si ça va. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je sais pas, vous étiez là? Je sais pas, j'ai entendu un coup de feu, c'était... Ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a, votre ami? Il a un problème? Non, il a des terreurs nocturnes, ne vous inquiétez pas. Mais il s'est ruiné dessus? Il s'est ruiné, ouais. Mais excusez-moi, si je peux comprendre que vous ne connaissez pas les terreurs nocturnes, mais... lisez donc un peu de psychologie, vous en comprendrez beaucoup. Ne jugez pas cet homme, s'il vous plaît. Ne gardez pas cette image. D'accord. Je vais essayer de voir pour faire nettoyer tout ça. Vous comprenez, on peut pas laisser de l'urine dans l'Orient Express. Oui. Amenez-le à sa cabine. On va faire en sorte de nettoyer tout ça. Évidemment. Voilà. Écoutez, voilà, vous repartez du coup sur là où vous deviez aller, hein, justement. Et est-ce que vous allez directement dans la cabine de votre ami ou la vôtre? Dans la nôtre, on n'était pas loin. On va dans la nôtre. Quand vous revenez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités. Vous avez le... Donc là, la lumière a été... on a fait en sorte qu'il y ait de la lumière, que ce soit bien allumé dans le couloir. Et vous voyez donc le garde du corps du comte qui est à l'extérieur, qui regarde partout. Qui surveille la porte du comte. Vous voyez, pareil, le garde du corps de Mancaf qui est devant. Et les deux hommes de Mancaf qui sont là aussi. Et qui sont a priori devant la porte de Myers. Mancaf est dans sa cabine. A priori. Vous rentrez dans vos cabines respectives. Et du coup, si vous n'êtes pas allé dans... Vous n'êtes pas allé dans la cabine de... Vous êtes allé dans la vôtre. Donc là, tu vois... En fait, tu vois rien. Professeur Worth, puisque tu es dans la tienne. Mais tu entends la porte de la cabine de tes collègues se fermer. De la cabine voisine. Bon bah, je me rends dans la cabine voisine. D'accord. Vous voyez donc le professeur Worth rentrer dans votre cabine. Il y a pas de soucis, c'est un ami, il est encore le bienvenu. Comment ça, je suis avec des sabres et des pistolets sur moi. Je peux aller j'ai pu aller me changer, moi, en attendant. Tiens, je t'apporte un slip. C'est un slip de ton père. J'ai toujours un slip de rechange sur moi. Donc, je sors très fier de moi, tada. Je l'ai, j'ai enfin ce que nous cherchons. Le murmure du Fez. Il était bien dans la cabine des Myers. Oh, seulement, j'ai pu voir Monsieur Myers, c'est... Il porte le Fez rouge sang sur lui. Le même que celui que nous possédons. C'était déjà ce qu'on suspectait de toute manière. Mais ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un. Que Mancaf en possède plusieurs et j'ai bien peur. Je pense, ma théorie là-dessus, je vous l'ai déjà partagée, il me semble, la veille. Je pense que seul Suan Mancaf est différent et qu'il a la capacité de... provoquer ce genre de choses sur les autres. Par quelle manière, je n'en sais rien. On en parlera plus en lisant ce document. Bien sûr. Je pense plus que c'est Myers qui a la pièce maîtresse, parce que c'est lui qui a le savoir ésotérique pour faire... commander un minimum, ou alors pour décupler de quelque manière que ce soit son... Mais il est en train de mourir. Il est perdu, là. Il est perdu. Meilleur, c'est celui qui est allongé avec le fez sur la tête. Oui, oui, il est perdu, le fez là. Et ouais, je crois qu'il a les connaissances suffisantes pour décupler les pouvoirs du fez. Non, c'est pas lui, c'est tu penses au baron Von Hofer. Non, non, je pense à Meyers. Mais c'est... Parce que c'est bizarrement comme par hasard, il a le fesse sur la tête et on s'observe des ombres qui... Je vois ce que vous voulez dire. J'ouvre le livre devant tout le monde. Mais est-ce qu'il faudrait pas appeler Van Hofen? Je pense ouais. Qu'il faut mieux. Non, mais je pense qu'il va venir. Tellement il est abonné à Fez Magazine, il va venir, je crois. Après tout, il y a eu un coup de feu. Qu'il soit volé. On va envoyer Banks. Non, mais moi, par contre, quand vous commencez à faire vos trucs, moi, je vais me changer. Je vais me passer un peignoir sur la tête. Il n'y a pas de problème. Il y a un peignoir, des serviettes, une bassine d'eau fraîche et des fringues. Qui va chercher Hofmeyer, Hofstadter. Hofstadter. Non. Je veux bien y aller. J'ai pas été plus suspecté que ça, donc ça me. Sergent Hofstadter. Vous voyez que le train s'arrête. Mais c'est déjà, non? Il est reparti? Non, le train était reparti et il se dirigeait en gros vers la gare la plus proche pour que la police puisse intervenir. Et vous voyez que le train s'arrête. Vous entendez des sifflets de policiers qui sifflent dans tous les sens. Vous entendez que ça rentre de partout. Je range mon revolver dans le coin où j'ai mis la valise. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Okay. Et la carabine que j'ai dans ma valise avec. et le minigun. Et la dynamite. Ça commence à discuter en hongrois. Vous ne parlez pas le hongrois. C'est rarement bon signe. Et quelqu'un vient frapper à la porte de votre cabine. Pouf, pouf, pouf. Je peux ouvrir. J'ouvre. Voilà. Hey. Vous voyez tout de suite un agent de police hongrois et un employé qui est à côté de lui. Puisque forcément, vous ne parlez pas hongrois, donc il vous traduit. Et vous explique que voilà, c'est la police, elle est là pour enquêter sur ce qui vient de se passer. Et elle va vous poser des questions si vous avez vu ou entendu des choses avant les faits. Et ou si vous avez vu quelqu'un, vous auriez. Enfin voilà, votre témoignage sur ce qui vient de se passer. J'ai vu personne, j'ai entendu un bang étouffé. Et ça m'a sorti de mes songes et mes rêves. Je dormais, Polat aussi dormait, mon compagnon de chambre, et là je suis avec mes collègues, on se réconforte les uns les autres. D'accord. Là j'ai rien vu. Et les autres? Pareil, je dormais, je somnolais, j'étais en train de lire un livre après le départ du train. Ok. Et sinon, pour les autres, c'est pareil? Vous avez rien de spécial? Mon ami vous a déjà cité dans son histoire, vous savez, donc mon point de vue. D'accord. Et le monsieur là-bas, là, le jeune? Non, c'était quoi ça? J'ai pas compris, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il fait des cauchemars, il fait des cauchemars la nuit, et le wagon et le train étaient dans le noir. Je sais pas ce que ça s'est passé. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes. Je vais vous demander de rester dans vos cabines. Pendant que nous faisons notre petite enquête, personne ne doit sortir des cabines. Autant par sécurité que nous voulons enquêter tranquillement. Donc je vais vous demander de rester ici et de ne pas bouger jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, vous êtes assignés tous les quatre dans la cabine jusqu'à ce que la police donne l'autorisation de pouvoir bouger. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou... Moi, je te leur demander, c'est vous. Qui c'est qui a tiré? C'est vous? C'est un de vous? Ah non, c'est personne. Non. Puis-je voir votre revolver S'il manque pas une balle. S'il manque pas une balle. Ouais, il manque pas de balle. Vraiment? Mais non, mais il est paniqué, je lui sors un mensonge pour pas le paniquer encore plus, monsieur Banks. Là. Mais non, oui, oui, c'était moi, j'ai tiré sur une forme sombre et obscure, sortie des ténèbres, que sont nos ombres. J'ai remarqué que ces ombres, comme vous dites, sont attirées par la lumière, mais je ne sais pas si elles sont vivantes dans l'obscurité. Tout du moins, j'ai réussi, en baissant le store du wagon, à pouvoir rentrer. Sans que l'ombre ne m'ait attaqué ou agressé. T'as estompé l'ombre à coup d'ombre. Je pense que dès que nous sommes dans les ténèbres, d'obscurité. Elle est aussi aveugle que nous. Oui, c'est logique, ça. Que l'ombre ne perdure pas non, parce qu'il n'y a plus de lumière pour l'alimenter. Oui. Bon, tout du moins, nous avons ce qu'il nous faut. Messieurs, je vous souhaite... une bonne fin de sommeil. Quant à moi, je pense que je vais lire un petit peu avant de m'endormir. Là, tu es assigné dans la cabine de tes camarades. Ah, oui, voilà. Donc, oui là, tu vas dormir quatre. Avec moi. Tous ouais. Les quatre yes. Dans la cabine. Nous sommes d'anciens collègues, nous avons fait ça à l'école, enfin à l'université. Quoi? Pardon. Bah quoi, vous dormez pas avec vos amis? Je tire le drap. J'ai dormi avec votre père quand vous avez peur. Mon père m'a abandonné. Je tire le drap de mon matelas, je le passe à Billy Worth. Est-ce que quelqu'un prend le temps de regarder le bouquin? Moi, je peux prendre le temps déjà de regarder le fez en fait. C'est pour ça que je veux partager mon lit avec cet homme qui lève le doigt, parce que je veux moi aussi regarder le bouquin avec lui. Moi, je veux juste vérifier le fez. Vous allez aller tous dans le même lit alors. Allez, Pierre Castor, raconte-nous. Il y a deux lits, on est quatre. C'est logique, faut partager. Quand vous allez ouvrir le bouquin, vous voyez que à peu près. Les trois quarts du bouquin sont en perse. Ah! Mais que. Parle perse. Une partie, le reste, est dans une langue qui vous est inconnue. Ah ah! De hiéroglyphes bizarres. Et qui ressemble étrangement aux hiéroglyphes. Enfin, à l'écriture qui est sur le fez. Qui était toujours en mouvement, si vous vous rappelez. Mais qu'il est vrai que voilà, dont trois quarts du bouquin est écrit en perse. À savoir que vous arrivez tous les deux à comprendre que pour arriver à bosser dessus, pour cerner les grandes lignes de ce que vous pouvez lire, il vous faudrait à peu près au moins 13-14 heures de boulot. C'est très compliqué. On n'a pas de temps à perdre. Donc, il vous faudrait pas mal de temps pour déchiffrer un peu. Je regarde d'un coin d'œil discret qui il y a dans le couloir à l'heure actuelle. S'il fait nuit, il fait jour, il fait quoi là? Il est quelle heure? Ah là, vous êtes en pleine nuit là. Là, on est encore en pleine nuit. Ah oui, oui. Là, je regarde s'il y a quelqu'un dans le couloir. On est consigné, hein, capitaine. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ne te fais pas remarquer. Mais après, il peut. Je veux juste sortir ma tête, quoi. Hein? Tu veux, oui, sortir... tu veux sortir la tête du couloir pour quoi faire? Pour regarder? Mais juste pour voir s'il y a des gens qui sont dehors. Je regarde à gauche, à droite, s'il y a des voitures avant de traverser. Attends, juste, je vidouille un truc. Parce que je sais pas si le son il est fort ou pas, la musique, j'ai aucune idée. J'ai baissé le Watch Together. Ouais, mais le tien, mais savoir est-ce que sur le. Mais je l'entends pas mal fort, moi du moins. Pourtant, j'ai baissé le volume. Attends, mais. On va faire simple, j'ai écouté sur le rediff. Je veux dire. C'est pour ça que j'avais demandé aux gens si. Mais Haki m'a pas répondu. On peut pas toujours compter sur lui. Hein. Tu m'as pas répondu. Je voulais pas casser l'ambiance du truc. Mais bon là, maintenant c'est trop tard, c'est fait. Non, ça a pas l'air. Franchement non, ça a pas l'air. Bah là j'ai encore baissé. Non, c'est bon. Du coup tu sors la tête du couloir, mais tu vois quand tu sors un peu la tête, tu vois les agents de police qui sont dans le couloir, qui sont en train de regarder l'endroit où la balle a été tirée, peut-être gratter, voir ils ont trouvé des tissus, un tissu brûlé, ils savent pas trop ce que c'est. Bah on en a pour 13-14 heures quoi. Hein ? On en a pour 13-14 heures d'inspection. Non, après vous savez, c'est le temps que eux vont devoir passer pour arriver à déchiffrer le bouquin. Ça veut pas dire que les policiers. Je signe du doigt à un agent et je lui demande combien de temps ça va prendre. Avec tout l'accent russe que je pourrais connaître. Non, mais t'as toujours un employé dans le coin. Le gars te dit que. Je demande combien de temps. Ils savent pas trop combien de temps ça va prendre. Il faut, parce qu'ils vont devoir aussi. Parce que j'ai un vieil ami malade dans une cabine tout seul. C'est un vieux, c'est une vieille personne. Vous inquiétez pas, de toute façon, on a envoyé des agents dans toutes les cabines. Donc tout est surveillé. Il n'y a pas de souci. Mais par sécurité, malheureusement, je vous demanderai de rester dans votre cabine. On ne veut personne. Dehors. Ok. Je reviens. Et puis je dis sinon, il me reste des balles dans le barillet. Quoi ? Sinon, il me reste des balles dans le barillet. Et tu dis ça à qui ? Pour rigoler aux autres ? Pour rigoler à demi sérieux ? Ah oui, ça aux flics. D'ailleurs, jamais. Mais non. Mais juste pour dire. Oui, c'est ça. Il veut tuer tout le monde, c'est ça. j'ai peut-être parlé trop vite, c'est pour ça que t'as pas entendu. Mais oui, non, je te disais après que je rentrais dans la cabine et que je disais à tout le monde. Capitaine, j'ai juste une question. Est-ce que vous pourriez rajouter une balle dans votre barillet ? Là où il en manque une, justement. Mais c'était caché déjà. Vous avez déjà fait ça. Vous êtes un professionnel en fait. On sait pas si c'est bon un bien ou pas. Au cas où il faudrait fouiller, j'ai caché les armes. Oui. Le train repart, mais les agents de police sont toujours à l'intérieur. On essaie de pas trop retarder l'Orient Express, malgré tout. Et du coup, le train repart avec les agents à l'intérieur du train. Ce qu'on peut faire, c'est juste cacher l'arme qui a servi à tirer. Il l'a déjà fait. Dans l'endroit où on a mis le fez. Oui, c'est déjà fait. C'est ce qu'il a fait aussi. Ah, d'accord, ok, tu l'as mis dedans. Okay, mais en fait, toi, t'as rien vu parce que tu étais encore prostré comme ça dans. Oui, non, mais. T'étais en mode je fais la toilette. Du coup. Pendant ce temps-là, vous voyez les deux professeurs qui s'affairent à lire ce murmure du fez. Où de temps en temps, vous jetez un œil par-dessus l'épaule en essayant de comprendre, et vous comprenez très vite que vous n'arriverez jamais à lire cette langue bizarre. On a compris, on est tombé, voilà. Et que vous dites, mais comment ils font pour savoir tout ça ? Parce que franchement, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Oh, moi, je l'ai laissé lire de base, hein, tu sais, je vais même pas essayer. C'est en mode. Ah bon, un livre, c'est pas pour moi ça. Et le temps s'égrène comme ça. Au bout d'un moment, on va dire au bout de. 2 heures, le train s'arrête. Vous voyez quelques-uns des policiers. Descendre, pas tous. Et le train repart. La plupart des policiers sont dans votre wagon. Vous savez pas s'il y en a encore dans le reste du train. Et le voyage continue. Qu'est-ce que vous faites, les deux autres, capitaine et George Banks ? Est-ce que vous profitez pour essayer de dormir un peu, vous reposer ? De toute façon, vous ne pouvez pas faire grand chose de moi, plus. Oui. Moi je vais aller voir le baron. Ah non, tu peux toujours pas sortir de ta cabine. Ah merde. Tant qu'à faire, je tire ma couette. Vu que j'ai passé le drap à Worth, qui dorme par terre, qui fait pas froid, trop froid du moins. Mais moi, sinon je tire la couette, je ferme les yeux. Ok. Eh bien, le voyage s'avance et vers, sur les coups de... Allez, quelle heure on va dire 6h20, parce qu'il y a eu un peu de retard, mais, malheureusement. Sur les coups de 6h20, le train s'arrête, et le train s'arrête à Belgrade. Vous voyez les agents de police qui descendent tous. On vous vient vous voir en vous disant que l'enquête suit son cours, mais que vous allez petit déjeuner oblige, on doit sortir. Vous allez pouvoir, vous pouvez à nouveau sortir de vos cabines. Les agents de police, eux, vont descendre. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ils ont rien trouvé du tout. Ils comprennent pas trop ce qui s'est passé. On n'a rien trouvé de suspect dans le train. Même l'arme qui a servi à tirer n'a pas été trouvée. Voilà, un des employés vous dit, bah écoutez, si vous voulez, le petit déjeuner sera servi à 9h. Donc pour l'instant, vous pouvez... À 9h quand même. Bah c'est l'heure du petit déj. Vous pouvez vous reposer jusqu'à ce moment-là et dès que le train aura fait ce qu'il a à faire à Belgrade. Je donne le livre à Polat et je lui dis est-ce que vous pouvez le donner au baron? Je pense qu'il pourrait aller plus vite que nous sur ce sujet-là. Et certainement, il doit connaître l'écriture en question. Bah, bien sûr que je peux le faire. Je ne dois pas manquer le repas, sinon on pourrait me suspecter, comme j'ai pour habitude d'y aller à chaque fois. Oui. C'est logique. Oui, c'est... Du coup, Paula, tu prends les murmures du Fez? Bah, bien sûr. Et tu décides... De descendre, et je cours comme ça vers les policiers. Non, bien sûr que non. Je décide d'aller voir Van Olfen, et je vais lui donner. Van Olfleur, tu y vas seul? Oui. Excuse-moi. Tu y vas seul? Oui, j'y vais seul. Ok. Personne d'entre vous ne veut y aller avec lui? Ah si, je suis. Ah bah voilà. Bah du coup, j'y vais même pas seul. Bon, les compagnons de chambre, c'est le compagnon d'aventure. Mon pote d'aventure. Ok. Donc vous sortez. Je vais demander à George Banks et au professeur Worth de couper leur casque, s'il vous plaît. C'était notre dernier choix avant la mort. Ah, attendez. Vous sortez de la cabine. Oui. Quand vous sortez, effectivement, vous voyez que la scène. Vous voyez un peu mieux parce que maintenant le jour est un peu en train de se lever. Et l'état de la moquette brûlée, l'impact de balles. Qu'a tiré le capitaine Barrington est bien marqué. C'est pas moi. Et vous voilà moi. Qui vous dirigez vers du coup la cabine de Ofter ou Van Ofter. Van Ofter, ouais. Ouais. Alors. Une seconde. Vous arrivez donc devant la cabine, la porte de la cabine du baron. Qu'est-ce que vous faites? Je toque à sa porte. Vous toquez. Pas de réponse. Eh bien, je toque plus fort. On est deux à toquer plus fort. Vous toquez plus fort. Et puis j'essaie d'ouvrir la porte, voir si c'est verrouillé. Pas de réponse. J'essaie d'ouvrir la porte, voir si c'est verrouillé. Quand tu ouvres, quand tu touches la poignée pour essayer d'ouvrir la porte, la porte s'ouvre. Ah. Et bah voyons voir ce qu'il y a dedans du coup. Et c'est vide, hein, la cabine est vide. Quand vous rentrez, pas de Baron Van Ofler. Par contre... Vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans cette cabine. Il y Des affaires sont à même le sol. C'est le foutoir. Et vous avez des livres, des fringues, des effets personnels qui sont par terre. Et vous allez me faire un petit jet, s'il vous plaît, de toc. On va peut-être le trouver dans les affaires. C'est une réussite. Bon, si j'ai pas trouvé, c'est que j'ai trouvé quand même. Quand vous fouillez un peu le bazar ambiant, vous notez... toi, surtout, Barrington, tu remarques sous le lit quelque chose qui t'inquiète. Puisque tu trouves une seringue hypodermique. Oh merde! Une petite bouteille de laudanum. Elle est vide la bouteille, elle est bouchée? Elle est débouchée? Elle est pleine? Elle est débouchée. Par contre, de ton côté, Paulat, tu trouves pas loin de l'oreiller une bouteille de chloroforme ainsi qu'un torchon qui est imbibé de cette substance. Mon cher ami, je crois que nous avons des problèmes. Je vois, je sais que il était sous ma responsabilité, j'ai dit de dormir et puis il est parti. Sous la surveillance des flics. Hein. C'est surtout ça en fait qui est étonnant. On est arrêté, le train il roule ou on est encore non, le train il s'est arrêté à Belgrade pendant un temps et là vous êtes reparti. Oui, mais justement, c'est ça du coup qui est. Inquiétant. Parce que si jamais on l'a drogué et qu'on l'a déplacé alors que la police traînait dans les wagons pendant tout ce temps. Ça me semble. Je vais voir un domestique, un gars qui travaille. Une femme de ménage qui s'occupe des cabines en général. Bonjour monsieur. Bonjour. Il est passé où le monsieur qui est dans cette cabine? Quel monsieur? Monsieur Ars, comment il s'appelle déjà? Van Hoffen. Monsieur Van Hoffen. Le baron Van Hoffler. Voilà, Van Hoffler. Écoutez, je ne sais pas, nous n'avons pas encore fait le ménage dans les cabines, puisqu'il est quand même assez tôt. Parce que vu l'heure qu'il est et que... Il n'est pas descendu à Belgrade? Peut-être qu'il avait... Jamais, il ne partira pas sans nous. Il ne partirait pas sans nous, du moins. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je n'ai vu personne. Je voudrais causer avec le responsable du train. D'accord. Du coup, tu vois qu'elle s'en va. Elle revient avec un homme... Oui, bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je pense qu'il y a un souci. Oui, le souci, c'est que le baron, monsieur le baron ici présent, n'est plus dans sa cabine alors qu'il a été ajourné, qu'il est très tôt le matin et qu'il ne descendrait pas de gare sans nous. Donc où est-il passé? Écoutez. Si les policiers et les agents de police auraient fait leur travail, pourquoi est-ce qu'on a trouvé du chloroforme, une seringue hypodermique et des choses et d'autres suspectes? Je vous montre là. Écoutez, les agents de police. Sa cabine est en bordel. Ils se sont concentrés exclusivement sur votre wagon, puisque c'est là où ça s'est passé. L'équipe qui était en charge de surveiller le reste du train est descendue... En tant que capitaine de l'armée d'Angleterre, je demande à prendre le relais sur ce train. Je vous destitue de vos fonctions, monsieur. Monsieur, écoutez, calmez-vous. Ceci est intolérable, je veux visiter toutes les chambres. Vous savez, ça arrive de temps en temps. J'exige de visiter toutes les chambres. Peut-être... Donnez-moi les clés d'accès à toutes les chambres. Non mais écoutez monsieur, calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Je pense tout simplement que peut-être votre ami est peut-être descendu. Vous savez, des gens qui sont... Cet ami est mon beau-père. Moi, le futur beau-père. des gens qui soient atteints de Il partirait pas avec des non, du peut-être tout, non, est-il non, descendu non. sans que vous vous en ayez rendu compte Non, absolument pas. Non, je fais pression pour qu'il me laisse accès à toutes les chambres. Et... avec son passe. Bah, quand tu vas me faire un jet alors. Un jet de quoi? Un jet de charisme? Non, non, non, non, non, ça marche pas. De combat rapproché, je peux. Non. Oh, est-ce que c'est de l'intimidation? C'est un peu de pression. Ou de la persuasion? C'est beaucoup plus de l'intimidation, on l'a vu comme ouais. je te l'ai réacté. Parce que bon, en soi, t'étais mieux en persuasion qu'en intimidation quand même. Hein. Mais c'est beaucoup plus de l'intimidation. C'est beaucoup plus de l'intimidation. Mais bah, alors, fais-moi de l'intimidation. Alors. Fais-moi. Non, comment ça se fait? Mais comment ça se fait que j'ai moins en intimidation qu'en persuasion alors que je suis militaire, quoi? C'est comme ça. Pas logique. Ça. Oh. Pff. Ok. Voilà. Écoutez, monsieur, ça suffit. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez beau être un capitaine de l'armée anglaise, ici on n'est pas en Angleterre. Hein. Voilà. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de commencer à prendre vos affaires et aller là-bas. Sinon je fais appel à la police. Et ouais, ça, elle est mal pour vous. Je peux rien dire là. Donc tu vois qu'il y a des gens qui, des employés qui commencent à arriver vers toi et qui te chopent de chaque côté et qui te Si tu sortes, mais genre Manu Militari du wagon. C'est honte. Excusez-moi. Laissez mon ami, je vais m'en occuper. Je suis désolé de tout ça. Ce n'est pas tolérable. Bon, ici, nous sommes sur l'Orient Express. Nous ne sommes pas dans quel train de. C'est pour ça qu'il y a une disparition dans le train. Oui, bien sûr, il y a des coups de feu. Arrête, chut. Je ne suis pour rien. C'est un homme un peu compulsif, comprenez-le, mais je vais essayer de le gérer. Oui, mais ce n'est pas une raison pour agresser, je ne fais que mon travail. Ce train est une contrefaçon, c'est l'Orient Express. Pas gentil, pas bien. Si votre ami n'est pas là, je ne suis pour rien, ce n'est pas moi qui mets les gens dehors. Oui, après c'est un vous qui est drogué, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Il se casse, il est à deux doigts d'appeler la police, quoi. Bon, au moins on sait qu'il drogue peut-être des gens, ce mec. Bon. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez de là où vous venez? Bah bien sûr, on va prévenir les autres du coup. Ok, bah vous retournez dans le salon. Vous retournez Cette gamelle dans votre que cabine. Exen et George Banks, il veut pas tourner la tête. Ah oui, mais aussi, ça ne plaît pas. Vous voyez donc Cassim Pollat et Capitaine Barrington rentrer. Cassim Pollat a toujours le bouquin dans la main. Et vous voyez, Capitaine Barrington. J'ai fait un sang, les gars. Avec un air renfrogné, énervé, mais un peu honteux quand même. Tu vois. Ouais, j'ai bien les joues rouges là. Et on voit. Et donc, vous voyez Cassim Pollat qui a toujours le bouquin. Dans la main et un air un peu inquiet. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, bordel? Mais bordel, tais-toi, petit, avec ton langage d'abord. Mais tu arrêtes, oui. Tu es violent aujourd'hui. Très bien. Bon, il a tiré une balle cette nuit. Mais il a fait. Premier sur toi, passé. On était à ça qu'il se fasse virer de l'Orient Express et qu'il aille directement à la police. Le baron s'est fait enlever dans la nuit. Quoi? Le baron s'est fait enlever durant la nuit dans sa cabine. Oui, oui. Mais quoi? On a trouvé du chloroforme. Je ne sais plus. Chloroforme, merci. Du chlorophylle. Du chloroforme, des. Je ne sais plus ce que c'est. Une seringue hypodermique. Et du lodanum. Ah, sédatif, quoi. Et du le lodanum. Du lodanum, ouais. C'est pas bon signe de retrouver ça. Par contre, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'ils n'ont pas pensé à retirer ça aussi. Mais ils ont fait ça dans la cohue, ils ont fait ça rapidement. Ils ont entendu le coup de feu, ils sont partis précipitamment. Oui. Ah, peut-être bien que c'est en même temps. C'est une très bonne hypothèse, mon ami. Ah ben, je donne des bonnes idées, Pollat. Après, c'est à vous de les exécuter. Et donc moi, je pue le pâté. Non, mais là, ce qui nous dérange, Ce qui me dérange, c'était... qu'est-ce qu'il a pu se passer? Mais parce que... Quelqu'un est au courant de son savoir, clairement, et a décidé de le faire taire. Il est peut-être pas au courant qu'il est lié à nous, ou s'ils sont au courant, bah, on va sûrement y passer très rapidement. Et dans ce cas-là, il va falloir être sur nos arrières. Soit ils ne sont pas au courant, et juste... bah, ils se sont mis à lui, Monsieur Banks, vous auriez un rossignol? C'est un truc pour ouvrir les portes, ouais. Non, j'ai pas ça. J'ai pas grand chose sur moi. Même pas ça. Il a ça, monsieur le MJ, un rossignol, le Banks? Banks. Non, j'ai pas ça. Non, il a pas ça. par contre, on peut imaginer qu'il soit toujours sur le train. Si on imagine que c'est les hommes de Minecraft. Moi, je suppose qu'il soit dans le train. Ouais. Ça, c'est pas, qui veut dire qu'il doit être dans une de ces cellules, enfin une de ces cellules, bien entendu. Chambre. Une de ces chambres-là. Une de ces cabines-là, ouais. Et que par conséquent, il y a moyen qu'on intervienne. Hein. Alors, risque et péril, mais il y a moyen. Je sais pas pourquoi ça a lancé un dé, j'ai juste cliqué. Non, mais en fait, t'es en train de. Ce n'est pas le moment de lancer des dés, mon ami. Hein, pour dégager les mauvais, tu vois. Si 99. Moi aussi, ça l'a fait tout à l'heure. C'est tellement mauvais. Mais pourquoi juste pas avertir que la disparition de notre ami? Eh bien parce que la dernière fois que l'un d'entre nous a essayé d'avertir la disparition d'un ami, bah encore une fois il a failli être expulsé de cet Orient Express avec la police sur le dos. Il l'a fait de manière un peu agressive, mais il n'empêche que le... J'ai rien fait d'agressif, j'ai exigé. Bah quand même, si, tu es... Excuse-moi, il y avait de l'agressivité. Mais là n'est même pas la question, parce que il était quand même hyper fermé. À la discussion, c'est-à-dire qu'on dit oui, il y a une personne qui a disparu, on a trouvé du chloroforme, etc. Et il se dit juste, ah bah mince, il est peut-être descendu. Ah ça, c'est les cheminots, ça. À faire grève pour rien du tout. Vous lui avez dit qu'il devait descendre quand même à Constantinople, le gars? Mais bien sûr, on lui a dit en fait qu'il devait descendre à Constantinople et qu'il avait aucune raison à descendre sans nous. Et il était juste en mode, bah peut-être que si. Et avec le coup de feu, ça peut pas jouer à cette faveur-là que... Visiblement, il n'y a aucun problème sur l'Orient Express. Tout va bien. Les gens qui disparaissent, c'est juste des gens qui descendent. Les coups de feu, c'est des freins. Moi je propose un truc. On va en parler au comte, et le comte va nous appuyer sûrement là-dessus. Peut-être. Le comte? Pourquoi pas. En vrai, apparemment, vous avez bien réussi à créer une bonne relation avec lui. Le comte russe? Oui. Ouais, moi, c'est... Je pense qu'on aura besoin de gros bras là pour défoncer la porte à Minecraft. Parce qu'il commence à être un peu trop. Voilà. Après, si on peut défoncer Minecraft en même temps. Et puis on défoncera Minecraft en même temps, ouais, ce serait génial. J'ai tendance à privilégier la prudence, mais là je trouve qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de prudence. Vous savez, maintenant mon couteau est toujours dans ma poche de veston. Il est trop prudent, on recule. Hein. Nous ne savons pas encore les pouvoirs de ce Fez, et je préfère en savoir plus que... Au bout d'un moment, quoi... Les ombres, capitaine. Vous avez vu, ça a mené... On va le récupérer de force. Vous avez vu, quand même, ça a mené le baron. Et comme ça, baron sous la main, il sera décrypté, il sera lié. Vous avez vu quand même où la connaissance a mené le baron, hein. On sait pas s'il est passé de vue à trépas, on sait pas s'il est juste enfermé, on sait rien du tout là-dessus. Donc la connaissance, on va faire attention. Oui, évidemment, faudra être prudent. Du coup, le temps, c'est cool, vous discutez depuis quelques temps quand même, et vient l'heure du petit déjeuner. Il est 9h, les employés commencent à passer dans le wagon pour vous prévenir que vous pouvez vous rendre, prendre votre petit déjeuner. À savoir juste après ça, que vous arrivez à Constantinople dans très peu de temps, puisqu'il reste encore une nuit, et après vous serez sur les lieux. Donc n'oubliez pas quand même pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission première, la mission ultime de votre raison pourquoi vous êtes dans ce train. Voilà, c'est tout. Très bien, nous arrivons. Et puis, je termine la discussion. Polat, j'ai peut-être besoin d'un document que le baron avait en sa possession, le fameux apocryphe du Fez. Bien sûr, oui, je m'en souviens. Vous l'avez lu, vous ? Oui, mais on l'a pas sur nous. On l'avait lu, mais apparemment, ouais, après, je considère que vous connaissez, enfin, vous l'avez. D'accord. D'accord, on a une mémoire photographique, ne t'inquiète pas. Non, mais je te dis, il a certainement des notes sur le langage du livre, ou du moins un écrit qui en parle. Il était très secret, mais je pense pas qu'il avait une aussi bonne mémoire qu'il pensait. Du coup, il a dû marquer des informations. Ouais. Cherche dans sa cabine et peut-être nous trouverons la clé qui déroulera l'histoire de ce livre plus rapidement. J'y vais de ce pas. Je vais planquer le livre dans ta cabine, dans votre cabine, capitaine. Ben, allez-y. Donc là, avec le revolver, la Winchester. Non, je récupère mon revolver. Ah, bon. La Winchester, la carabine, elle va retourner à sa place et sous le matelas, voilà, carrément sous le matelas, comme ça, au cas où. Ah, tu m'as dit que le sabre, le sabre, je sais pas. Non, tu sais, sur le côté du lit, tu sais. Moi, pendant ce temps, je propose, oui, que Georges. Allons manger. Et tout ça. Il faut qu'on arrive à parler, surtout à cette, comment s'appelle cette journaliste mince, McGregor. Oui, McGregor, oui. McGregor, je comptais aller parler à McGregor pendant que vous alliez parler au comte. Justement, essayer de lui parler peut-être assez discrètement. Pas forcément que... Enfin, là, je pense que Menkoff nous observera sur nos gestes. Ok. Donc là, en gros, on va avoir une suite éclatée. Toujours. C'est génial. Bon, parce que c'est chiant, tout le monde va garder le casque sur les oreilles parce qu'après, voilà, c'est relou. Donc on a le capitaine Barrington qui va repartir dans la cabine du baron. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Je vais avec lui. Ah, vous retournez tous les deux. Tu ne tires sur personne. Okay, vous non. Retournez tous les deux à la cabine du baron. Pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des informations sur le Fez ou des trucs Comment ça avec eux deux, le temps que je me fasse un truc à boire. D'accord. S'il te plaît. Merci. C'est très gentil. Du coup, vous vous dirigez, donc George Banks et toi, le professeur Worth, oui. Petit déjeuner. Le repas le plus important de la journée, bien évidemment. Voilà. Vous arrivez donc dans la salle du petit déjeuner et vous voyez ce que vous avez l'habitude de voir au petit déjeuner, c'est-à-dire le comte, la comtesse qui n'est pas encore arrivée, le garde du corps du comte. Vous avez McGregor. Une autre femme qui est là, qui mange seule à une table, qui a priori, de ce que vous avez compris, ce serait la femme à tout faire un peu de la comtesse. Que ça moi, je sais plus le nom exact, mais voilà, sa dame de compagnie. Sa domestique, voilà. Ouais. Ou sa dame de compagnie, la domestique. Et vous avez Mancaf, son garde du corps, et Madame Meyers. Que faites-vous? Moi, je me dirige un peu vers le russe. Ah, cher comte! Vous allez bien? Voilà. Vous avez trop bousculé des problèmes cette nuit? Ah, la police hongroise... Et disons un peu sur les nerfs, je ne sais pas trop ce qui... Mais c'est intolérable. Écoutez, bon, bah, il s'est passé certainement quelque chose. Un coup de feu, vous avez entendu, un coup de feu dans l'Orient Express, c'est inadmissible. J'ai juste entendu le bruit des freins. Étrange, hein, quelqu'un a dû appuyer sur l'alarme. Oui, encore eux. Attendez, mon service apparemment, de sécurité doit nous protéger. Je ne sens plus en sécurité dans ce train. Mais apparemment, tout a l'air normal, il n'y a pas eu de blessés, c'est bien étrange. Oui, mais c'est tout de même un coup de feu. Après, je dormais... disons que vous connaissez mon âge, on dort, on a le sommeil lourd. Le coup de feu, je ne l'ai pas entendu. Quoi? La chose qui m'a oublié, c'était le frein. Oui, malheureusement, oui. Vous comprendrez. Le sommeil du juste. Bien, bonne chance à vous. Oui. J'espère que il nous reste un jour avant Constantinople. Oui, nous arrivons demain. Vous reprenez un train, j'imagine. Je pense rester quelques jours sur place, mais après, je repartirai dans ma mère patrie. Très bien, très bien. Bah écoutez, j'aimerais discuter un peu, parce bien que sûr, peut, si me rendre peut-être en Russie, j'ai peut-être des affaires à faire là-bas. Très bien. Peut-être vous pourrez venir me voir et nous ferons un petit peu d'échecs. Très bien. Je prévois ça. Et surtout que je me suis un peu entraîné. C'est très bien. Je regarde dans la direction de Menkaf. Il a toujours son fez. Ah, il a toujours son fez. Et tu remarques qu'il te fixe. Et il te fixe avec un œil, enfin, des yeux noirs. Il te fusille du regard, genre comme s'il te déteste. Je m'avance. Je parie qu'il y a son gorille qui est à côté. Et je parle en arabe. Mmh. Je lui dis... Monsieur... Alors, je vais faire une faute exprès à son nom. Mmh. C'était comment déjà ? Excuse-moi. Ah voilà. Monsieur... Hieronymus. C'est ça ? Hieronymus Minecraft, oui. Moi j'allais dire, du coup je dis iconoclaste Minecraft. Minecraft. On n'est pas Minecraft. Dans le même jeu. Non, on n'est pas dans le même truc. Comment ça? Qui est ce Minecraft? Qui est Minecraft? Et là, il te regarde avec un air genre énervé, mais pour faire bonne constance, enfin c'est bonne prestance quand même, il te dit Minecraft. Minecraft, oui. Je vois que vous êtes en bonne compagnie, comme à chaque fois. Bon, je fais un salut à la dame à côté de lui. Ouais, qui te regarde toujours avec un air toujours aussi déprimé. J'ai pu m'empêcher que vous m'observez discuter avec ce comte. Je vois que vous aussi, vous semblez un peu fatigué. Vous avez les yeux un peu noirs. Oui, oui. Avec cette nuit qui a été assez difficile, je dois dire que j'ai très mal dormi. Et... c'est plutôt gênant, vous voyez. Surtout que ce matin, en me levant, je me suis aperçu que j'avais perdu quelque chose. Oh bah dites-vous qu'il m'arrivait la même chose. À croire que il y ait des voleurs dans... Oui, à croire qu'il y a des voleurs dans ce wagon. À croire que l'Orient Express n'est plus aussi sûr qu'il l'était. Des coups de feu. Oui, des coups de feu et des choses qui disparaissent pendant la nuit. Oui, à croire que quelqu'un s'amuse dans les ombres à nous faire du mal. Mais écoutez, si vous pouvez me dire plus, peut-être nous pourrons nous aider à retrouver la chose qui a disparu. Non, je vais me débrouiller seul, vous inquiétez pas. Ah moi, j'aurais peut-être besoin de votre aide, si ce n'est pas trop. Ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas perdu un objet, malheureusement, j'ai perdu une personne. Je pense que vous devez peut-être l'avoir croisée dans les couloirs. Comme le comte, c'est un baron autrichien. Je ne connais pas de baron. Je vais essayer de faire un test de voir s'il ment. C'est le... C'est psychologie, je pense. Psychologie. Oh, ok, non, j'ai 10%. Allez, c'est parti. Oh non. Oh, l'enfoiré. Je vais appeler tout de suite ma copine. Il y a un truc. Alors... Ah bah là, c'est pas un bébé que tu vas faire, c'est des jumeaux. Tu... tu le sondes, genre, pichou, tu vois, ton regard s'immisce dans son regard et tu as un scanner complet de son crâne. Et tu remarques une chose. Une chose qui te dérange, c'est que pour toi, il ne ment pas. Mais, à côté de ça, tu sens que tout ce qu'il te dit depuis le début, ce n'est que des menaces. Et que il sait que c'est vous qui avez volé les murmures du Fez, puisque, comme il l'a dit, il avait quelque chose qui lui a été volé cette nuit. Et dans son regard, la façon de te parler, la façon de dire les D'accord. choses, de ce que tu as compris, ce que il ne sait ment que pas sur le baron, quoi. Non, et que par contre, il te ment pas sur le baron. Il connaît pas ce baron. Bon, je pense que j'ai assez pris de votre temps. Je vais vous laisser. Mais c'est ça, oui. Je vous souhaite une bonne journée tout de même. Passez une bonne journée. Oui. Je retourne à ma table et je laisse George Banks peut-être aller voir MacGregor. Oh, donc de ton côté, George Banks, tu t'assois à côté de Mademoiselle MacGregor, qui est tout sourire en te voyant arriver. Mais très vite, elle entame la discussion. C'est elle qui prend les devants. Dit, ouais. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit? J'ai entendu et j'ai pas compris. Mais moi non plus, j'ai essayé d'essayer d'en savoir un peu plus, mais très vite, la police est arrivée et nous avons été obligés de rester dans nos cabines. C'est fou, ça. Un coup de feu dans l'Orient Express. Un coup de feu, un homme qui disparaît, je crois rien, moi. De quoi. Mais tout par Avolo, attendez, ouais. Entre cette histoire de Meyers je sais pas, ce voyage est complètement fou. J'ai jamais eu ce genre digne d'un romance, machin, là, c'est n'importe quoi. C'est... Enfin, on s'attendrait à lire ça, justement, on s'attendrait à lire ça et pas à le vivre. Bah sinon, moi, de mon côté, j'ai essayé d'enquêter et... j'ai pas eu grand-chose. La seule chose que j'ai eue, je crois, c'est... un passager qui est parti, qui, a priori, à Belgrade, on l'a vu sortir avec deux autres personnes. Et il avait l'air de se sentir mal. C'est la seule chose que j'ai vue. Vous savez comment il s'appelait? Ah, je sais pas, c'est un vieux monsieur. Une description physique, peut-être? Un homme d'un certain âge. Mais qui avait l'air d'être. Assez. Enfin, qui se sentait pas bien. Il avait l'air d'être. Un peu endormi. Il était accompagné par qui, vous savez? Un homme et une femme, je crois. Un homme et une femme? Oui. Et la femme plutôt jeune. Plutôt jeune. Oh, il portait un chapeau peut-être. Pardon? Est-ce qu'il portait un chapeau? En fait, Non, il n'y a pas de chapeau. Pas de chapeau. Non. Mais c'est la seule chose que j'ai eu. Après, je l'ai vu ça subrepticement par ma cabine, mais c'est tout. D'accord. J'ai cru que j'étais quelqu'un qui partait, mais après le reste, j'ai rien vu d'autre. Je crois que la personne qui est partie serait le baron. Le baron? Vous savez, oui, celui qui est monté à Vienne, je crois. Von Hofler. Von Hofstetter, je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai cru. Von Hofler. Que c'est un. Je ne connais pas très bien, mais oui, si vous le dites. Et le plus bizarre, c'est que. Il n'y a aucune à cause des coups de feu, aucun inspecteur à l'intérieur du train, une personne qui disparaît, aucune enquête qui veut être menée par le personnel de l'Orient. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout. Avec vous, c'est n'importe quoi. Je pense que ce qui se passe est est assez exceptionnelle et que les employés ont l'air totalement dépassés par les événements. Le problème étant que le train doit continuer à avancer et que les polices de divers pays se succèdent. Voilà, comme j'espère que vous écrirez quelque chose là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Je vais écrire quelque chose là-dessus parce que c'est tout à fait. Enfin, c'est pas normal. Et vous n'avez rien eu de dommageable pendant cette nuit-là ? Moi, mais rien arrivé du tout. Et au contraire, j'ai essayé d'en savoir plus puisque tu as l'air d'avoir un coup de feu dans l'Orient Express. Ouais. C'est pas rien. Oui, justement. Mais ils n'ont rien trouvé, a priori. Je me suis un peu renseigné et ils n'ont rien. Ils n'ont rien trouvé ? Ils n'ont rien trouvé. Pas d'armes, pas même de victimes, rien du tout en fait. C'est comme si quelqu'un avait voulu faire une supercherie ou détourner l'attention, je ne sais pas. Une blague, une mauvaise blague, ça. Oui, voilà, okay. Comme une mauvaise blague. Peut-être nuire à l'Orient Express, pourquoi pas. Une personne a été enlevée quand même, hein. Écoutez, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vous dis que j'ai vu. Alors là, je regarde autour de nous. Gauche, à droite. Oui. Je me rapproche un peu d'elle et je fais. Proche de la chambre du baron, on a retrouvé un attirail pour l'endormir. Chloroforme, tout ça. Ah. Oui. Pas un mot à propos de cela. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas sur qui ça va tomber après. Ces gens qui étaient dehors, c'était eux ? Je pense. Cette femme et cet homme ? Oui, justement. Mais vous avez une idée de qui ça peut être ? Il y a une femme et un homme qui ne seraient pas là actuellement et qui devraient être là. Ah bon ? Des gens du train qui seraient là ou des gens... D'accord. Je sais pas, mais le mieux là, c'est de voir si les personnes qui seraient... Demande si Meyers, si t'as vu la madame Meyers, ça, quelque part. Non, mais justement, je l'ai demandé au détour de la... T'es pas avec lui d'abord, chute. Non, mais de toute façon, tu sais, quand j'ai demandé la coiffure et tout ça, j'imagine qu'elle aurait reconnu Madame Meyers. Non, de toute façon, Madame Meyers, elle est là. Hein. Enfin, elle est dans le train. Oui, ouais. Elle est avec vous en train de prendre le thé, enfin, le petit-déj. Et d'ailleurs, elle a un fez ou pas ? Non, elle n'a pas de fez, Madame Meyers. Ok. Écoute, Georges. Eh ben, après ça, je suppose qu'on n'a plus trop. Mm-hmm. Écoutez, je vais renseigner de mon côté, voir ce que je peux trouver. Discrètement, attention. Oui, vous inquiétez pas, je suis journaliste, je suis discrète quand il le faut, mais je vous en ferai part si jamais, et faites de même de votre côté si vous avez. Oui, bien évidemment. J'ai confiance en vos capacités. Soyez prudent. Et je retourne m'asseoir avec. Ouais, je lui rends le sourire. Et je vais me rasseoir avec mon cher ami, le professeur Worth. Tu me fais part de ce que tu as. Oui, bien évidemment. Et toi, est-ce que tu me fais part de ce que tu as? je te fais part de la discussion que j'ai eue avec Menkaf. Ce n'est pas lui qui a prédité, enfin, du moins. Prédité. Je ne pense pas. Prémédité l'enlèvement du baron. Parce qu'il ne sait même pas qui c'est en fait. Et ça, je peux t'en assurer. D'accord. Et tu as demandé de l'aide au comte ? Pas encore. Mais le comte, je pense qu'il ne va pas plus nous aider que ça. Mais tu as dit une femme et un homme. Oui, c'est ça. Et je me demandais, toi, tu m'as parlé de la comtesse qui n'était pas là. Elle va pas tarder. Ouais, bizarrement. Vous êtes en train de discuter. Pendant ce temps-là, le capitaine Warrington et le Cassim Pollat se dirigent vers la cabine du baron Von Hoeffler. Vous arrivez devant. A priori, il n'y a personne. Vous pouvez regarder à droite, à gauche. L'état des lieux était le même que lorsque j'ai piqué ma crise ? Oui, la porte est fermée, pour l'instant ils n'ont rien touché. Tu essayes d'ouvrir la porte et tu retombes sur la pièce qui est dans le même état que ce que vous l'avez. Après, je cherche des documents, je les réunis et. D'accord. Je les entasse dans un coin histoire de les prendre sur le passage pour plus tard. D'accord, bah tu les ranges dans un coin. Voilà, mis à part ça, vous faites quoi dans la pièce? C'était son idée, moi je voulais juste le suivre parce que ça devient dangereux, on n'y veut pas tout seul dans les trucs comme Kassim, ça. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans la pièce? Je suppose que vous avez refermé la porte derrière vous. Je fouille, hein. Mm-hmm, le but c'est de retrouver un de ces objets. Ok, bah tu... L'almanach du... Tu peux me faire un jet de toc. Ok, un jet de toc d'almanach. Précisément. Allez. Marty, oh. Ne parie pas sur l'almanach. Tu cherches. En gros, je dis pas que tu ne trouves rien. C'est juste que ça va te prendre plus de temps. Tu vas chercher de façon méticuleuse. Et je l'interromps et je fais. Non, et oui. Voilà, j'allais lui proposer mon aide. Oui, parce oui, que oui. Là, j'avais commencé une pile de documents, vois-tu, mon cher ami. Ouais, non, mais vous travaillez de concert, ce qui va réduire un petit peu. La recherche, quoi. Enfin, ça va, le temps va être un peu plus réduit. J'ai réussi mon toc. Oui, oui. Ce qui va réduire. J'ai pas fait ça d'abord. Qui va réduire encore un peu plus le temps de recherche. Et vous allez trouver des documents qui en soi n'ont pas forcément de rapport direct avec le Fez. Alors, oui, ce sont des documents un peu occultes, mais en soi, quand tu regardes. On n'y connaît rien de toute façon. Des recherches en cours, des trucs qui sont pas forcément en lien avec le Fez. Tu vois quand même qu'il lui de son côté avait fait des petites recherches, mais rien qui soit déterminant et qui puisse vous aider pour avancer plus vite dans vos recherches. La seule chose, toi. Que tu trouves, Barrington. Oui. C'est en gros un mouchoir qui était tombé sous le table de chevet. Ouais, le mouchoir à chloroforme, je pense. Non, un mouchoir de femme, de dame. Ah. Il y a des initiales brodées? Oui. Ah ah! Il y a du parfum? Oui, c'est un parfum. De la façon et le mouchoir et le parfum, tu sens que c'est un mouchoir d'une personne qui a de l'argent. Et tu vois les initiales IVH. IVH, arrête tes bêtises, toi, IVH. IVH. Ouais, comme en anglais? IVH, c'est les initiales qu'il y a dessus. C'est Yvonne de Beauvoir, je sais pas, j'en sais rien. C'est qui IVH? On a eu affaire à une IVH? Ok. Bah, je le mets dans ma poche. Mm-hmm. Un remballé avec les documents qu'on va tout ramener dans notre cahute. D'accord. Donc vous récupérez tout ça. Et je suppose que vous retournez. Et on n'a pas pris notre petit déjeuner, donc au passage, en déposant tout ça, les documents, tout ça, on va aller taper de la saucisson greuze. D'accord. Au moins ça. Ah, ok. C'est quoi ce truc? C'est le scribe. Du coup, bah, vous vous posez vos affaires et puis bah, quand vous arrivez dans le truc de petit-déj, vous voyez justement George Banks et le professeur Wurst qui sont déjà tous les deux attablés à une table. Donc vous vous asseyez avec eux, j'imagine. Mm-hmm. Voilà, allez-y. On a trouvé des trucs sans grand intérêt, du moins sans grand... pas de lien direct avec... avec les recherches actuelles, mais j'ai trouvé ce mouchoir brodé qui a l'air d'être... C'est pas le mouchoir de la domestique, quoi. Et il y a ces initiales. C'est du cyrillique. Et donc tu penses qu'elle est d'un coup? Je dis ça au hasard, hein. Je sais pas si le MJ dit oui. Cyrillique. C'est du IVH. Donc c'est du langage, c'est du langage IVH. Voilà, c'est trois c'est des initiales standard d'un I, d'un V et d'un H. Ouais, non, moi je pense qu'elle est dans le mouchoir. Est vraiment finement brodé. C'est quelque chose de, c'est de la broderie fine, donc c'est quelque chose qui est quand même qui coûte extrêmement cher. Et le parfum qui s'en dégage, voilà, c'est un parfum, c'est un parfum très raffiné qui n'est pas à la bourse de tout le monde. Voilà. De toute façon, à cette époque, je pense que les parfums c'était simplement c'était que pour les femmes. Le mouchoir, ouais. Il n'y avait pas d'autres toilettes pour hommes. Voilà. Donnez-moi le mouchoir. C'est fait, je l'ai passé sur la table. Ah, je le mets dans ma poche. Ah, voleur. Écoutez, moi j'ai eu quelques informations et Metcalf m'a clairement menacé du vol du document. Et il est au courant, oui. Mmh. Ouais, mais il sait que c'est moi. Il sait que c'est nous. Ah, moi j'ai rien volé, hein. Je vous jure, monsieur le préfet, c'est pas moi. C'est comme ça qu'il faut jouer la comédie. Mais non, mais moi j'ai rien fait. Il nous reste un jour. Un jour, qu'il va falloir faire gaffe. Mais vous pensez vraiment qu'il faut tenir jusqu'à Istanbul durant cette journée-là, ou alors faut passer à l'action là, parce qu'à un moment donné, ça va péter. T'as déjà tiré un coup de feu. Je pense que l'action. Ouais, non, ouais. Moi, je veux pas arrêter le train 36 fois non plus. Vous voyez, au moment où vous discutez, la comtesse arrivée et qui s'assoit à côté du comte. Oh bordel, c'est chelou ce truc. Elle a quelque chose de échangé, elle a l'air différente. Elle est fidèle à elle-même, aussi belle que jeune. Belle que belle. Et vous voyez que elle n'est pas accompagnée comme d'habitude par le cousin. Cousin machin. Ouais, le cousin du. Le cousin avec qui elle a l'air de très bien s'entendre. Je me lève d'un air nonchalant et ouais, puis je vais auprès du comte russe. Je lui dis que je pense que on en parlera une autre fois, comte russe, de la partie. Je me sens un peu malade, c'est vrai que le voyage commence un peu à me faiblir. Ah. Il n'y a pas de souci, mon cher ami. Ah, comtesse, tenez, pendant que j'y pense, vous avez oublié votre mouchoir le souper dernier sur la table. Elle prend le mouchoir, je la vois qui fait un regard bizarre. Elle fait, mais ce n'est pas à moi. Et le comte prend le mouchoir, fait... Mais non, ce n'est pas à... Mais non, femme. Mais c'est IVH, c'est pas IVR. Ce n'est pas à ma femme. Désolé, je ne connais pas des IVH. Eh ouais, c'est ce IVH. Pas, c'est pas IVR. Ce n'est pas à ma femme. Putain. Ah bah, veuillez m'excuser, s'il était sur cette table, j'ai pu confondre. Ce n'est pas grave. Je l'aurais cru. Tu as fait un fumble d'improvisation. Bah non, mais j'ai essayé. Intimidation. Il a tenté. Écoute, je rigole. Il a fait un coup de bluff, ça n'a pas marché. Oui. Maintenant, il sait que c'est pas à la comtesse. Que c'est à une autre femme. C'est vrai que McGregor peut cacher certains trucs. Je dis ça, elle a quand même pas mal d'argent pour se déplacer juste en Arménie. Non, c'est sa famille qui paye en fait. McGregor, c'est un nom de noble écossais. Bon, après, attention, McGregor vous a donné des informations que pour l'instant, ouais, vous n'avez pas partagées avec les deux qui sont à votre table. Ah oui, ces informations. Ça peut avoir son importance. Oui, mes amis. Actuellement, on sait que le baron est parti titubant, étant aidé par deux personnes, en tout cas, épaulé par deux personnes, un homme et une femme, train. On ne sait pas qui, on ne sait pas s'ils étaient à l'intérieur du train de base, on ne sait pas si c'était des passagers, on ne sait pas si c'était des inconnus, bref, voilà. Il est accompagné, titubant, accompagné de deux personnes. Un homme et une femme, oui. Un homme et une femme. Un homme d'âge mûr et une jeune femme. Ah, d'accord, ça, j'avais omis. Ouais. Et qui serait descendu, qu'elle a vu descendre à Belgrade. Mmh. J'irai le récupérer plus tard. On va jusqu'à Istanbul. On fera un crochet par Belgrade. C'est grand quand même, Belgrade, hein, vous savez. Je prendrai un A380. Moi, je sais pas, mais vous devez le savoir. Du coup, là, vous avez un homme et une femme jeune. Vous avez un mouchoir de femme, de belles factures et des initiales IVH. Ça appartient à la femme, oui. Par qu'est-ce contre, ce qu'on peut faire, c'est IVH. Alors, vous allez me faire, si, pour vous aider un petit peu, un jet d'idées. Mais ah, moi, j'adore ces jeux. Ah, parce que moi, je voulais demander en fait au registre des personnes s'il y avait une certaine IVH, une femme qui ayant ces initiales-là. Qui... C'est sur l'intelligence. Sur l'intelligence. Oui. Ah. Attendez. Ah, mais je sais, moi. Je sais. Ah, moi, je sais pas moi du tout. Je du sais. Du tout. Je sais plutôt pas mal. Succès, mais moins que Bant. Ce qu'on va faire, c'est que vous discutez, vous croisez un peu les informations. Tu vois que le capitaine Barrington, lui, il est un petit peu perdu dans tout ça parce que bon, c'est pas son domaine d'expertise. Tout se mélange entre le coup de feu, tout ce qui s'est passé ces dernières heures et tout. Donc tu vois qu'il est un petit peu perdu. Ça, c'est de la faute à Paulette, voilà. Alors que vous, ça fulmine, ça croise. Et puis, à un moment donné, à force de discuter, IVH, jeune femme, tout ça, il dit, mais vous avez Banks qui fait, mais IVH, qui qu'est-ce que ça pourrait être VH? Il dit, Von Hoeffler, mais Von Hoeffler. Ah, mais Von Hoeffler, et du coup, ça fait tilt chez quelqu'un. Quelqu'un qui, à un moment donné, s'est levé le jour où le baron Von Hoeffler est arrivé dans le train. C'est sa fille, putain et, de merde! Et il se disputait avec une jeune fille sur le train. C'est Irina, Von Hoeffler, voilà! Et d'un coup, ça tilte, puisque cette jeune fille s'appelait Ilsa. Ilsa, voilà, Irina, c'est pareil, toutes les mêmes. Et là, d'un coup, ça vous fait tilt. Mais oui, alors ce serait la fille. Qui c'est qui avait croisé la fille de Von Hoeffler? C'est pas moi. Si, c'est toi. Ah, de mentir, c'est on toi. On va voir les VOD. Mais moi, je me rappelle plus, mais je crois que c'est toi. Et du coup, parce que moi, je l'aurais écrit. De celui qui était dans les choux total dans votre discussion, d'un coup, de par je lève la tête, je remue la queue. vous faites réaliser au capitaine. Capitaine America. Au Capitaine America. Mais oui, mais c'est. C'est sa fille. Et là, vous voyez, c'est sa fille que j'ai rencontrée sur le quai, qui insistait sur le fait qu'il fallait pas qu'il parte, que c'était dangereux, etc., qu'il était vieux. Je l'ai fait promettre sur ma vie, que j'allais le protéger. Et c'était sa fille. Il s'appelait Ilsa. Isla. D'ailleurs, ça s'écrit comment, Isla? Alors, je vais vous marquer Isla. Attends, je vous mets dans. Isla ou Isla pas? D'accord. Non. Isla de la Muerte. La mort en espagnol. Islamabad. Voilà, c'est écrit. Vous pouvez le lire. Ok, maintenant, on peut vraiment l'écrire. Hoeffler. Et il n'y a pas deux F. Mais c'était pas loin. Donc effectivement, de par les croisements de tout, vous comprenez, et du coup, ça, le capitaine comprend que la personne qui a embarqué le baron n'est autre que sa fille. Et a priori, avec l'aide de quelqu'un qui a juste extirpé son père du train, puisqu'elle pensait que son père allait risquer sa vie et était complètement cinglé par rapport à cette histoire. Et du coup, elle a préféré carrément l'enlever de la donne. Parce que ça n'avait rien à voir avec Mancaf ou quelqu'un d'autre, ou ni la comtesse, ni personne. Oui. Il y a quand même un enlèvement. Et je voilà. suis presque sûr que si on va aller vous dire au mec qui gère tout ça, il va faire « Oh bah peut-être pas !» En tout cas, vous avez résolu cette petite enquête. Je me sens soulagé en tous les cas, déjà. Voilà. Et comme ça, il est en sécurité et elle ne me cassera pas la tête. Ah, je trouve sa fille relou quand même. Hein. Elle est grave, mais surtout que vous aviez juré de le protéger sur votre vie. Ouais, c'est-à-dire que là, en plus, elle a la preuve que, t'as pas, que tu le fais pas. Ouais, vous avez repris votre serment, là. Vous devez, Désolé, j'ai dû dormir et puis être restreint à la cabine. Qu'est-ce que vous faites, là, maintenant? Bah là, je suis soulagé. Là, je vais me vider ma vessie parce que moi, j'aime aux toilettes. Eh bien, écoute, tu vas aux toilettes. Tu ouvres la porte. Et ah, une cuvette. Ce sont des toilettes. Turc, non. Non. Toilette européenne. Ouais, Constantinople après tout. Hein. Pendant que vous vous redirigez vers vos cabines, parce que je suppose que vous allez, vous croisez la comtesse qui vient en fait vous, qui vient un peu à votre hauteur. Enfin, elle vient vous voir directement. Vous voyez qu'elle a un petit air un peu inquiet, un petit peu. Et elle vient vous voir en disant, écoutez, vous avez l'air d'être des gens qui s'intéressent à plein de choses et qui ont l'air de vous connaître. Je vois qu'il y a un capitaine de l'armée anglaise. Ça peut être intéressant pour moi. Disons que je ne peux pas demander à d'autres personnes que vous, puisqu'il en va de ma fierté et de mon honneur. Voilà, peut-être avez-vous remarqué que j'étais proche de Peter, le cousin du comte. Je ne suis pas fier de ça, mais oui, j'ai eu des relations avec cet homme. Mais j'ai rompu avec lui hier. Seulement... il a l'air d'être agressif envers moi et j'ai peur qu'il s'en prenne à moi d'une manière ou d'une autre. Du coup, j'espérais que vous puissiez m'aider et que vous alliez lui parler pour le dissuader de le faire. Vous comprenez que je ne peux pas le dire à mon mari et encore moins à son garde du corps. Sinon, je porterai le déshonneur sur moi et mon mari. Oui, normal. Normal, madame. Mais est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que nous sommes fiables comme protecteurs? Écoutez, à défaut de... Parce que jusque-là, j'ai perdu la trace d'une personne que je devais protéger. À défaut, vous êtes la seule option pas, que ça. J'ai dans ce train. Comme vous voulez. Eh bien, soit. Et j'ai peur. Et je suis sûr que vous êtes de parfaits gentlemen. Oui. En tant qu'anglais. Of course, madame. Personnellement, moi, je suis pas vraiment de à ce niveau-là, mais pour une comtesse, oui, ouais, je veux bien faire cet effort. Oui, et puis okay. Moi, je suis pas anglais, mais je fais un effort aussi. Je vais retourner dans ma cabine. Venez me voir quand vous aurez parlé avec Peter. Vous auriez peut-être un moyen de le faire chanter qu'on pourrait utiliser, au moins. pour être honnête, le seul chantage que vous pourriez user, c'est qu'il a eu une relation avec le comte. Enfin, avec la comtesse, pardon. C'est encore mieux. Avec la comtesse, pardon. Je sais pas, il a eu une relation avec le avec tuyau, la comtesse, ouais. Et que ça peut lui être préjudiciable. D'accord. Qui s'y colle à faire le diplomate Je me tiendrai à côté au cas où, mais... Oh, oui, de toute façon, pas toi. Ouais, vu que j'ai fait un sang sur mon truc d'intimidation, déjà ça passera pas. Ça sent anguille sur... En sachant que le test que vous pourrez utiliser, c'est persuasion ou intimidation. Au choix. Je vous laisse ce choix. Au choix. Je suis pas très doué moi avec les mots, hein, vous avez pu le remarquer quand même. T'as le choix entre Ferrari et Clio. Faut mieux pas que ça soit moi. Hein. Alors qui s'en charge de mon mais collègue d'aller vous parler à Peter. Ah lui, c'est bien très très bien blablaté. Bon, moi je m'entends bien avec les Russes, c'est ça. Hein. Alors, bah vas-y. Oui. Ah, tu choisis persuasion ou intimidation. Mais tu vas tout seul ou tu viens quand même Non mais je me tiendrai à côté au cas où c'est sa fight. Tout le monde peut. À quelques mètres, pas. Vous pouvez pas tout plus, à fait faire plusieurs jets, hein. Il n'y a pas forcément de. Mmh. On sera avec si lui. Vous allez à plusieurs comme ça en mode. Oui, voilà. Ça sent quand même anguille sous roche, ou cachalot sous gravillon, selon moi. Mais bon, après. C'était quoi la question? Anguille sous roche, il y a quoi? Cachalot sous gravillon. Ah, je connaissais pas ça. Oui, allez-y, on y va, on va voir le Peter. Ok, je vais voir Peter Kubowski. Je m'avance. Ouais. Je le regarde dans les yeux. Oui, que me voulez-vous? Alors là, il est seul? Oui. Ok. Que me voulez-vous, monsieur? Écoutez, je viens de la part d'une dame que vous avez courtisée. Ah. Sachez que votre celle-là. Tenue... Oui, votre... Votre tenue laisse pressentir que elle a peur de vous et en bon gentleman, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Je viens l'aider justement à la protéger peut-être des personnes qui voudront du mal et j'espère que dans votre cas, vous lui ferez plus aucune avance. Elle s'est jouée de moi. Elle m'a utilisé. Vous croyez quoi? Que je vais me laisser faire comme ça? Il y a votre intérêt et aussi de son intérêt et celle de votre cousin. Que cela ne s'ébruite pas et que... Vas-y, vous en restez là. Un test de quoi alors? Persuasion ou intimidation? Persuasion. Moi aussi, je le persuade de loin, du regard. Bah, de toute façon, on est à côté de lui, hein. À quelques mètres. Fais ton monologue. Non, c'est bon, j'ai fait... Ah, okay, fais ton monologue. Ah, oh là là. Je lui dis tout bêtement que pour sa dignité, celle du baron et celle de la famille, il faudra mieux que ces histoires ne s'éboutent pas et que vous la laissez tranquille. Elle préférait que ce soit ainsi que le fait de votre relation soit juste éphémère et qu'elle soit bien sûr terminée. Écoutez... Je comprends la difficulté de cette situation. J'admets que il en va aussi de ma propre sécurité de ne pas ébruiter ce genre de choses. Mais d'accord, je vais oublier tout ça. Par contre, dites-lui bien qu'elle ne s'approche plus jamais de moi. J'ai une question, monsieur. Oui. J'ai une question. Pourquoi vous dites qu'elle s'est jouée de vous? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a promis des choses. Elle m'a fait miroiter monts et merveilles. Elle vous a promis quoi? Son cœur Oui, voilà, de le quitter pour moi, de partir loin et en fait... C'était des mensonges. La partie scénario tournait manège. Mais bon, voilà. Je vais en rester là. Mais dites-lui bien de ne plus jamais venir me voir ou me parler ou quoi que ce soit. Très bien. et tu vois qu'il s'en va. Bon, bah. Vous allez la voir. Mission accomplie. Oui. Ouais, je vais lui raconter. Donc, tu vas la voir. Elle est aux anges. Tiens, merci beaucoup, merci. Ah, je suis tranquille maintenant. Mais qu'il se rassure, je n'irai plus jamais le voir. Voilà, même si c'est vrai que mon mari, c'est compliqué, il est trop vieux pour moi. Mais c'est comme ça. Les mariages sont arrangés, vous comprenez. Oui. Surtout que, pour votre part, vous avez non plus un mari quand même, j'en puis dire, des plus nobles. Hein. C'est sûr, moins, mais comprenez, une jeune fille comme moi, avec un homme de plus de 50 ans, c'est compliqué. Et surtout que je ne l'aime pas, ce n'est pas choisi. Je pense qu'il est loin d'être bête, hein. Il imagine bien que votre cœur s'était pris d'autres personnes. Je me doute aussi, mais bon, il ne faut pas que ça se sache tout de même. Oui, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie et sachez que je vous dois... J'ai une dette envers vous maintenant. Sur ce, vous avez quand même un petit peu avancé dans le chemin qui vous rapproche inexorablement de Constantinople. Heureusement que le train avance plus vite que nous. C'est ça. Vous avez quand même fait une acquisition majeure qui n'est autre que les murmures du Fès. L'artefact suprême. Compléter en gros... qui vient compléter en gros votre truc, puisque c'était un ouvrage majeur à retenir pour le professeur Demir. Donc maintenant, il faut pouvoir arriver à Constantinople. En vie. En vie. Avec le Fès et les murmures du Fès, et pour pouvoir confier tout ça au professeur Demir. Mais ça, ce sera la prochaine fois.